Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 63e numéro du podcast du collectionneur. 63e. J'ai failli manger ma langue en prononçant cette phrase, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on est là. La Bonsoir fin. Bonsoir les enfants, on n'a toujours pas atteint l'âge de pelle. On s'en rapproche tout doucement. Hein. Et tu sais que je l'oublie systématiquement, mais je ne sais âge. Pas pourquoi. Ton âge, ouais, mais ça on sait. Non mais au bout de 63 fois, quoi, ça, je ne l'imprime pas. Donc bonsoir les enfants des BSO. Oui. Quand vous dites qu'il est vieux, c'est pas une légende. Voilà, c'est ça. Bon, bonsoir quand même. Que tout le monde va bien, on se merveilleux 15 août. Nous sommes là pour vous distraire. Distraire. Distraire. Dame. Et ce soir... Ça va être long. On va parler de la Game Boy Advance. On a décidé de... On en a parlé lors du dernier podcast, on a évoqué, on s'est dit tiens, ça pourrait être sympa, et finalement, mm-hmm. on avait traité la Game Boy au sens large, là, le Game Boy au sens large. Et la là, Game ce Boy, soir, j'ai mis sur le podcast. Spécifiquement sur la GBA. Et juste à la fin, si on a encore un peu de temps, avant 3h du matin, je vous raconterai un jeu. Voilà, on a qui sera peut-être un jeu Sega, allez savoir. Un jeu Saturne peut-être aussi. Un jeu Saturne Sega, pareil, par hasard. Peut-être c'est pas du tout. Rocky sur Master System. Moi je dis c'est un jeu Saturne. Rocky était très bien, j'aime ce jeu d'amour. Ah mais bah oui, ça semblait pas être un jeu vilain. Hein. Non, il n'était pas. Mais avant cela, nous avons toute une palanquée de news. Beaucoup, hein. Quand oui. même, hein. Bah, il se passe des petites choses à gauche et à droite, donc on va en parler. On va commencer. J'ai envie de commencer ce podcast par une espèce de jubilé de gros sous en mettant plusieurs news d'un coup. Donc d'un côté notre ami canadien The Mike hein, qui nous peut aider ça. En même temps tout le monde a repris l'info. Donc, je vous mets un petit lien sur le chat pour un des articles qui en parle. Un Américain. A, on ne sait comment, de ces jours, fouillé son grenier et y a retrouvé un exemplaire de Kid Icarus 9 sous blister qui lui a été offert, devait lui être offert. Et certains ont ri en disant un cadeau de Noël un peu trop bien caché. Certainement, ouais. Bref, sur le coup, il a eu le bon réflexe, à savoir, il a montré aux bonnes personnes, il a fait évaluer son état. Qui a fini avec un grade A et la note de 8.0, ce qui n'est pas le meilleur grade, mais bon, voilà, crachons pas dans la soupe, ça va. Et finalement, il a trouvé preneur pour bah, 9 000 $. 9 000 $, mais alors, il y a des grades pour des jeux sous blister, en fait c'est des ah, notes oui, totalement. Il y a un organisme aux États-Unis qui est où tu envoies ton jeu. Il te renvoie ton jeu dans une boîte avec leur note. Pour l'état, exactement comme pour les BD, par exemple. Ça s'appelle Video Game Authority, pour être précis. D'accord, ok. Mais évidemment, en fait, j'imagine qu'il le dit, il les stérise pas du tout. Quoi. Pour expliquer comment ça marche, en fait, il faut les contacter pour qu'ils vous envoient une boîte dans laquelle vous mettez votre jeu. Il faut bien sûr les payer pour qu'ils vous renvoient le jeu dans une boîte en acrylique avec la note, en fait. Qui peut aller, je crois, jusqu'à 95 ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Oui, il avait eu 5 pour les vraiment les meilleurs. Bon, 10, mais... Mon jeu, il est sous blister. Je vous mets le lien aussi dans le chat. Et qu'en fait, c'est juste une boîte en carton vide. Un blister par-dessus. On est d'accord qu'ils ouvrent pas le blister. Et du coup, tu les as baisés. Non ? D'accord. Voilà, donc j'ai changé de serveur, désolé. Je suis encore en rouge, hein, les enfants. Ah, ouais, c'est bon. Chez moi. Hein. D'accord. Donc, on va recommencer. Moi, est-ce que tu peux recommencer si donc, ouais, je disais, admettons, je suis un enfoiré, je prends une boîte de Kid Icarus, je m'arrange pour avoir un blister qui ressemble à un vrai blister, je leur envoie, mais la boîte, elle est vide. On est d'accord qu'ils ouvrent pas le blister. Mais oui. Ouais, mais enfin, il le pèse, je pense. Hein. Il doit avoir des procédures pour quand même. Ouais, bon, d'accord, je mets du sable dedans, si tu veux. Ouais, c'est ça, du gravier. Au grade près. Du gravier. Mais alors, un blister NES, comme on le voit, est-ce que c'est vraiment ceux qui sont sous plastique rigide ou en plastique. Les plastiques rigides, c'était que pour l'Europe, il me semble. Voilà, il n'y a que nous qui avons eu droit à des plastiques rigides. D'accord, donc. Ok. Non, mais écoute, il y a, voilà, y a des gens qui voient, qui discutent et qui déterminent si oui ou non, selon eux. D'accord, ok. Et il y a des notes. Ok. Ce qui me fait, bah, c'est voilà, le jeu, ils te disent que c'est la révision A, c'est marqué dessus, et que c'est le modèle à deux vis. Ce qui est très rigolo, puisque, comme tu dis, moi, ils l'ont pas ouvert. Oui, voilà. Parce que c'est, en fait, c'est ça que Voilà. je voyais. Je voyais les parler des vis et c'est pas ouvert. Du coup, Le bah, 3 vis, c'est marqué 3 ou 2, trois j'arrive vis, pas à ouais. voir. Moi, je 2, vois. Moi, j'ai tu vu vois le trois. 3? Là, je vois 3, Voilà. moi. Je vois double, je vois 4 crusty, désolé. Bon, ok, 3, non, c'est normal, je suis vieux, désolé. Ouais, moi, je vois trois, moi. Mais bon, enfin, bref, voilà. Oui. Ouais, c'est marqué 3, ouais. L'idée, c'est que, bon, je suppose que leur procédure, parce que ça fait, ils font vraiment aujourd'hui foi dans le domaine de la collection aux États-Unis, donc Ok. a priori, je pense qu'ils sont J'ai assez jamais chanceux. entendu parler d'eux de façon très très négative. C'est pas comme les instituts qui mettent des cartes, qui mettent des notes sur les cartes magiques ou les trucs à collectionner. Aïe. Ok. Donc voilà. Après, à voir, est-ce que c'est vraiment représentatif? J'en ai aucune idée. Ah, la news, c'est que le mec, il a vendu pour 9000 balles un Kid Icarus. Voilà. Dans le même temps, je vous mets pas de lien, parce que bon, ça là. Ceux qui suivent Kelsey Lewins, qui a une boutique à Seattle, aux États-Unis, qui est souvent avec Metal Jesus Rock. Donc, ils ont rentré dans sa boutique une cartouche NES World Championship grise. Qu'ils ont vendu genre en suivant. Allez, le prix est... Et Ouais. on, le prix est resté privé parce que la personne qui l'a acheté n'a pas souhaité. Mais apparemment, que ce soit et pour la reprise et pour la revente, ça a été honnête. Donc on parle sans doute d'un tarif autour de 20 000 dollars. Oh là là. Voilà, puisque c'est la cartouche grise, celle qui coûte pas trop Qu'est-ce que je cher. peux m'acheter avec ça? C'est des prix farfelus. Je peux te payer une bagnole. Et tout ça pour en terminer avec Et ça fait le combien de paquets combo. de tucs, ça? Et combien de stylos Bic en or? Le pompon, je vous mets un petit article de Kotaku qui nous évoque donc cette américaine, Danielle Smith, qui a beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, plus que vous pouvez imaginer, et qui était jusqu'à maintenant une férue de comique. Et qui s'est levé un matin, il y a en début de l'année 2019, et s'est dit, tiens, les jeux vidéo rétro, ça a l'air d'être à la mode. Ouais, de comics, tu parles de bande dessinée américaine, hein, évidemment. Oui, oui. ouais. On parle pas de Gallimard, on est d'accord. T'achètes pas des Gallimard sous Désolé. blister, non? Elle achète des comics, ouais. Et quoique, un Et... sketch de Gallimard sous blister, ça n'existe pas, les gars. Moi, je dis Non, rien. Mais... non, non. Je vais... Donc, pour l'instant. Depuis le début de l'année, elle aurait dépensé à peu près 500 000 dollars à acheter des jeux. Donc, on reprend la fameuse classification en vue plus haut, à acheter des jeux neufs sous blister qui ont reçu les classifications maximales qu'elle a pu trouver. Ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'elle fait encore monter plus les prix. C'est ça qui est magnifique. Donc, Ouais, en plus. C'est ça qui est sachez que magique. le pays qui aujourd'hui accuse les jeux vidéo de ses propres maux, en même temps, est en train d'avoir des multimillionnaires qui achètent des jeux à un tarif totalement farfelu parce que c'est la méga hype. Et quand ils en auront marre, ils revendront tout trois fois le prix. Mais ouais, c'est ça, hein, il faut une Voire plus-value. dix. C'est des financiers hein, à la base. Oui, Donc, bah oui, mais c'est bon. pas des passionnés en vrai. Voilà, Non, c'est mais tout. tu sais, la passion dans le jeu vidéo, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus, hein. C'est Bah, pas la passion du pour moi. pognon. Hein. Quand même, bah, il y en a. Le Hein. rétro, ça fait longtemps qu'il a été confisqué, hein, et que c'est Oui, il est plus. confisqué, ouais, je sais, mais pas par la majorité quand même, je pense. Parce que, je veux dire, si, Bah, ça existe suffit encore d'aller des sur les passionnés. brocantes et de voir les gens qui se battent pour aller récupérer deux, trois Bah ouais. cartouches et Bah oui. ensuite les revendre dans leur magasin, dans les Ouais. bonnes Voire brocantes. même les gens qui vont limite aux mains pour un misérable jeu Game Boy tout pourri en boîte. Tu J'ai le sais tour. Hein. que c'est plus la passion, ce que tu Ouais, je viens. sais Hein. bien, C'est la mais passion du c'est pognon, quand hein, même c'est des tout. cas. Je veux dire, c'est des cas. Particulier, c'est ça que je veux dire. C'est Oui, pas. les collectionneurs blister sont quand même des gens qui ont Bah des oui. moyens De assez toute disproportionnés. façon, t'as C'est pas le choix. ça. C'est vrai que t'as pas Bah le c'est choix ça. pour le Oui, coup. voilà. Ça me rappelle la vidéo qui tournait cette semaine de ce jeune Indien à qui son père a offert une BMW M3 et qu'il a fait glisser dans un lac parce que ça lui allait pas, il voulait une Jaguar. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et c'est un peu ça, Non. c'est-à-dire que là, c'est des gens, ils ont tellement d'argent, ils savent pas quoi faire, et là, hop, ting, ils commencent à avoir leur attention attirée par le jeu vidéo, et là, on se dit, ah bah tiens, ah, ça va devenir compliqué là. Ah bah s'ils se mettent en tête de racheter tout ce qu'ils peuvent, effectivement, peut pas lutter, quoi. Non, non, mais là, apparemment, elle semble avoir ses priorités sur des jeux sous blister, de toute façon. Sur des jeux, le meilleur état possible qu'elle puisse Ouais, trouver, donc. voilà. Bon, Voilà. ça va. Oui, Gear le après. gamer, il n'est pas encore concerné par ça. Mais bon. Nous, non. Non. Donc parce que on n'a pas ces moyens-là. Non. Ouais, mais bon. Heureusement. Et je voulais terminer ce tir groupé de news concernant les tarifs avec donc là par contre c'est beaucoup beaucoup plus intéressant entre guillemets une enchère qui a eu lieu sur Yahoo Auction qui s'est terminée donc un petit peu moins de 1200 euros avec un kit de développement Super Famicom avec Ah une oui. table graphique voilà Ah oui. Ça c'est vachement. qui bon alors 1200 balles d'accord mais ça on va pas passer ça tous les jours je pense. Alors Si c'est là, après c'est pas un jeu, c'est un truc vraiment Ouais. particulier. Alors après, moi qui pratique beaucoup les enchères Yahoo, faut se méfier. Hein. Les enchères Yahoo fonctionnent d'une façon très bizarre, de manière très bizarre comparée aux enchères eBay. Parfois, ils vous rajoutent du temps parce que genre il y a des gens qui en série. C'est pas ce qui t'est arrivé à toi? Oh, mais ça m'est arrivé Ouais. cette semaine. Enfin, ouais, c'est cette semaine. Ouais. Enfin, c'était fin de semaine dernière. Mais genre l'enchère, elle a été repoussée 5 fois. C'est bien que j'ai fini par dire, voilà. Je mettrai pas un copec de plus, je me casse, et puis voilà, s'il y a quelqu'un qui vient, il met un rouble ou même un dirham de plus, je m'en fous, peu importe. Puis bon, en fait, 1 heure après, j'ai regardé, puis j'ai vu que c'était moi, en fait. Mais enfin, voilà, c'est super relou la façon dont ça fonctionne, ces enchères là-bas. Et de toute façon, s'il a payé 138 400 yens, derrière, il y a les frais qui s'ajoutent. Pas que les frais de port, parce qu'ils doivent passer sans doute par un entrepôt qui va stocker l'objet, qui va le remettre dans un colis, vérifier si tout est bien conforme avant de le réexpédier. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est le prix qui a été payé derrière une bonne Oui. taxe qui Après, je va. pense que le type qui a mis ce tarif-là, il s'en fout d'avoir des frais. Ah Par oui, bien sûr, contre, ah bah totalement, mais heureusement. Hein. je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant parce que on a la preuve que déjà le Japon et l'Occident ne se situent pas du tout au même niveau en termes de collection entre guillemets. Et voir un kit de développement original Super Famicom partir pour 10% du Ouais. prix d'une cartouche NES World Championship, Mais voilà, c'est ce que est-ce que j'allais ça a dire. du sens, Mais vraiment? voilà, mais alors justement, je trouve, j'allais te poser la question, c'est que, ok, ça reste une certaine somme, hein, quand même, c'est pas Oui. ridicule, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, les 9000 dollars Mais d'un jeu sous blister, bah, je trouve ça quand même assez raisonnable, quand même. Et pareil, On parle de. une cartouche NES World Championship aujourd'hui, des cartouches NES World Championship, il y en a, je crois, c'est 1200 ou 1500. Je sais Ouais. plus, Des un kits de truc comme ça. développement Super Famicom, il n'y en a pas 1500 hein, dans la nature. Après, Hein. Ouais, si je pourrais juste rajouter un truc, Oui. l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des trucs comme ça qui sont découverts. Ouais, En en plus, 2019. ouais. Ouais. Donc voilà, C'est hein. une belle Donc objet, non? Ouais. ça aussi quelque part, c'est une bonne nouvelle. Et ça veut dire qu'il y a encore des gens voilà, qui ont ça potentiellement. Bon après bien sûr faut mettre la main porte-monnaie, hein. C'est un peu Bah oui. raide, mais voilà quoi. Mais ça Ouais, reste pas inaccessible, c'est ça que je veux dire, quoi, à côté pour des. un objet comme ça encore, C'est ça. je Ouais. comprends mieux. Bah c'est plus légitime en fait, c'est Je con. trouve, je trouve bah, exactement, moi je trouve que ça a plus de sens que Bah la oui. cartouche Nintendo World Championship, Ah bah oui. d'autant que tu peux acheter une cartouche de repro à 40 Mais balles. c'est ça, tu peux t'en servir. Je pense que la personne qui a acheté le NES World Championship ne va jamais y jouer. Exactement. C'est jamais. C'est vraiment juste pour le Et coup. J'ai la pièce, elle m'a coûté tant et c'est super. Tandis que là, il faut le quelque kit. part, c'est ça que je trouve vraiment triste en fait. Oui. Après, bon, qu'une personne veut mettre autant Bah dans une après, cartouche c'est le cas NWC, ils font ce coutume. qu'ils veulent, je veux dire, c'est pas mon problème, c'est pas à moi de juger, Après, il y a mais. une autre dimension aussi. Ça fait, ce genre d'objet, la vision, ça fait presque figure d'objet historique hein, quand il Ah mais pense tout. carrément, Ah, hein, mais de ça loin. l'est. Hein. Pour moi, ça l'est. Ouais, hein. Conservation du C'est le témoignage patrimoine. d'une Mais époque. oui, je pense vraiment. Ouais. Alors attention, c'est pas vraiment, je pense, un kit de développement, c'est plus en fait un. comment dire, une sorte de tablette graphique qui sert à générer des sprites ou des trucs comme ça. Je pense oui, pas que ce oui, soit vraiment un c'est kit de une dev. partie du kit, voilà, c'est la Voilà, partie oui. tablette graphique pour la conception graphique. C'est un kit de conception graphique, il me semble. Ouais, Ouais, tout à fait exact. tu peux faire des courbiers et faire en sprite, quoi. C'est Ah, ça. bon, écoute, avec grand Ça fait plaisir. rêver. La classe, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Bon, alors on va revenir à des news un peu plus normales, entre guillemets. On a le SNK qui nous annonce un nouveau hardware Neo Geo à venir, dans les mois à Oui, venir. j'ai vu ça. Alors, c'est pas la quatrième Neo Geo mini noire transparente Samurai Shodown dont tout le Ah, c'est monde pas se ça du coup. marre. Non, c'est la Mais a Kuroko, je crois priori, qu'elle s'appelle, je sais plus son nom. il y aurait effectivement une nouvelle Neo Geo à venir Oui. qui aurait apparemment, aurait, on met tout ça sous condition, au conditionnel parce qu'on ne sait pas trop, qui aurait un lien avec la Neo Geo Mini existante, ou que la Neo Geo Mini existante, en tout cas, pourrait servir d'une manière ou d'une autre avec le nouvel hardware. Okay. Et les gens se mettent limite à rêver de SNK qui pourrait aujourd'hui produire un hardware moderne, entre guillemets. Oula. J'y crois pas Mais une seule alors, seconde, ouais, mais... voilà. Mais ce qu'il y a, c'est oui, oui, en fait, ils ont des licences hein, et elles existent toujours. Par exemple, il y aura un prochain King of Fighters, il y a le Samurai Shodown qui est sorti récemment, qui est très bien. Hein, Il tu vois, paraît, ils ont ouais. toujours J'ai des pas joué, licences. mais il paraît, ouais. Ouais. Donc du coup, ouais, ils ont toujours des licences pour alimenter une probable machine, je sais pas, mais peut-être pas assez quand même pour. Ce genre Disons de que choses. même leur licence, ça reste quand même du marché de niche. À combien Oui, il s'est vendu oui. le dernier Sam Show? C'est ça, c'est ça. Mais après, ils veulent surfer aussi sur le fait que toutes les Neo Geo Mini qui sortent sont de gros succès, en fait. Hein. Oui, Ça mais marche parce très, que très c'est une Neo Geo Mini et que tu as le côté ancien, Ouais, ben, ouais. là tu Mais elle sors marche un très bien. nouvel hardware. Il faut Ouais. pouvoir lutter face à Sony, C'est ça. Nintendo et Parce que là, il y en a Microsoft. une cinquième. C'est une cinquième qui sort. Hein, dont tu parlais brièvement là, au début, Beyond, c'est la Kuroko, en Oui, fait, qui sort. c'est la quatrième, le quatrième modèle, La ça m'arrive quatrième, pas. ouais voilà. Mais ça marche vraiment bien ces machines-là. SNK, bah, personne ne les a oubliés en fin de compte. Hein. Ils sont toujours là, quoi. Bah, Bah, personne ne les a oubliés. c'est Ouais, non. Hein. Je veux personne. dire, c'est Nous, on s'en pas. rappelle parce qu'on est Voilà. client. Ah, mais Basket. non, mais je viens de dire, là, les Samurai Shodown, c'est un succès. Les King of Fighters Ouais, aussi. mais Je parle des c'est nouvelles un versions. succès Hein, de niche. C'est un succès de ceux qui ont connu les licences à l'époque en arcade. Sam Show, je connais pas les chiffres. Je serais curieux de savoir le nombre On d'exemplaires va essayer de qu'ils regarder, en ont tiens. vendu. Mais le problème, enfin, la Neo Geo Mini fonctionne. Bon, après, oui, tarifairement, les gens apparemment trouvent ça correct. Oui. On a parlé, on a évoqué entre nous surtout la PC Engine Mini qui arrive en fin d'année. Oui. C'est plus problématique ce qui est en train de se passer. Ça fait partie, C'est c'est l'année prochaine. L'année l'année prochaine, au mois de mars. Oui, mars, l'année prochaine, je suis bête. Oui, c'est. Forcément, au mois de mars. Voilà. Bah oui. S'il y Et a un donc, jeu qui c'est sort l'année parti. prochaine, c'est au mois de mars. Tout Cherchez est au pas. mois de mars. Ça faisait partie des news qu'on avait aussi. Donc, la Neo Geo, on commence. La PC Engine Mini sera disponible en Europe uniquement via Amazon. Et Oui. au tarif de 119 euros, 109, 119, c'est combien Oui, près? c'est plus de 100. Déjà, c'est plus de 100 déjà. Plus Oui, de c'est 100. vrai. Ouais. Et bah, les gens, ils ont fait la tronche. Ils ont dit, ouais, ah, c'est. Et donc, le fait que ce soit disponible que via Amazon va couper court à toute concurrence Oui, potentielle. bah déjà d'une, bah tu pourras pas les prix, ça sera le prix d'Amazon et point barre, quoi. Et donc, sur le coup, ils ont tenté d'apaiser un petit peu en rajoutant 7 jeux. Bon, c'est vrai qu'il y a le Dragon Spirit, il y a les deux Spriggan, il y a Splatterhouse, que les gens ont réclamé beaucoup, Splatterhouse. Alors, je Il veux dire, là, je n'en y parle pas. a Portal, en des jeux plus. qui sont des tueries sur cette console, Alors, oui, vraiment. là, il faut. Bozdik a raison. Je veux dire, la sélection, elle est géniale, sans doute. Mais après, on en reparlera certainement quand ça sortira. Nous mettre le choix de RPG en japonais pour le marché européen ou Snatcher totalement en Snatcher. japonais pour le marché européen, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Surtout Snatcher. Faut le traduire ce jeu, c'est Snatcher. Bah, Quelque c'est vrai chose. qu'un jeu avec que des dialogues, si tu le traduis Voilà, pas, c'est compliqué quoi. c'est ça, ouais, c'est un jeu d'aventure japonais, Et en plus, là, tu peux pas faire forcément. au feeling parce qu'il y a des choses écrites. Ouais. Il faut faire des choses bien particulières dans le jeu. Si tu C'est vraiment comprends pas. l'idée de sortir la machine dans sa version d'origine presque. Hein. Enfin, les Oui, jeux en tout cas, ouais. et sans se prendre la tête. C'est ça. Sans se prendre la Surtout que tête pour le coup. Snatcher, il existe en anglais. Eh oui, la version Mega CD. Hein. Bon, Alors, après, Samurai ça c'est autre Shodown, chose, ça. j'ai trouvé l'info en fait la première semaine, combien d'unités ont été vendues sur Vas-y. PS4? 40 000 la première semaine. C'est pas vilain, hein. Ouais, mais Une première semaine, c'est c'est pas. 40 000. Comment, ouais. comment tu luttes 40 000 face à... Attention, attention, attention. C'est, attention, on va relativiser. C'est, ouais. uniquement, c'est les chiffres uniquement pour le Japon. Ouais, ouais, mais 40 000 une première semaine, c'est pas vilain. Hein. Ouais, mais ils taperont ouais. pas un million. Il bah, y a déjà, toujours en Europe, mieux. Mais là, en Europe, ils taperont. Ouais, mais c'est difficile de lutter. Ouais, ouais. C'est licence-là ne s'exporte ouais, ouais. pas. En plus, c'est du jeu de baston. C'est de la niche dans la niche. Ah, mais oui, mais je dis pas le contraire. Hein. Donc, bon courage, s'ils veulent sortir un nouvel hardware, moi, je suis le premier à applaudir et à dire oui. Mais... Après, le SNK, ouais. c'est une marque japonaise. Hein. Ils parlent au japonais, peut-être, dans ces conditions-là. Pour une console... Ah, mais ouais, moi je suis étonné. Déjà, comment tu fais pour en termes de hardware Tu fais que de la 2D. Oh, bah ben, non, je pense pas. Enfin, je veux dire, c'est de la 2D.5, hein, comme on appelle ça. Tu sais, pour les Samurai Shodown et King of Fighters. Ouais, enfin bon. Moi ouais. je suis dubitatif, mais moi j'ai envie de voir. J'ai envie de voir de toute façon. Ça reste SNK, ça reste quelque chose qui est. Ah, la Neo Geo. Bon. On verra ton bien. De toute façon, dès qu'on aura des nouvelles, on en reparlera de ce futur hardware potentiel. Autre news, un petit article très intéressant sur ce qui pourrait être le premier easter egg de l'histoire des jeux vidéo. Un easter egg a été trouvé dans un jeu Atari de 1977. C'est quelque chose, ça. C'est même pas dans un jeu Atari, c'est un jeu sur Fairchild Channel F, si ma mémoire est bonne. Non ? C'est ça. Ok. Et non, c'est pas Atari, ça ? Non, c'est pas Atari. D'accord, oui, non, je me suis totalement trompé. Oui, c'est pas... Non, c'est... effectivement, avant ce jeu, le premier easter egg qui était connu, c'était dans un jeu sur Atari 2600. D'accord. C'était Adventure, okay. je crois, non, c'est pas ça, il me semble. Je ne sais pas. Enfin. Et l'idée, c'est que donc, oui, il a été trouvé donc, de manière totalement... En observant... entre guillemets, le programme directement, et en se rendant compte qu'en rentrant une séquence de boutons totalement farfelus, la séquence demande de presser 48 boutons dans le bon ordre sans se tromper. Ouais. On a droit à hop, juste un petit mot en disant qui a fait le jeu. Don Bice, Michael Carglass. Carglass ? Carglass ? Carglass, voilà. C'est Michael de Carglass en fait. Ouais, vous avez l'article est très détaillé sur comment ça fonctionne, la place que ça prend, etc. et comment il a été trouvé. Voilà, c'est tout. C'est rigolo. Enfin, je trouve ça génial la manière dont ça a été trouvé, la manière dont ça a été fait. L'info, moi, qui m'a fait le plus rire, c'est que du coup, en termes de code source, l'implémentation de cet Easter Eggs, c'est 11% du jeu. Non. De la taille du jeu. De la c'est taille 11% du jeu. De la taille du jeu, le fait d'avoir introduit cet easter egg. Et ça, je trouve ça énorme. Ah oui, donc il le voulait, le gars. Hein. Ouais. En fait, ce qu'il y a de rigolo avec la Fairchild Channel F, si ma mémoire est bonne, c'est qu'elle est sortie avant l'Atari 2600. C'était la première console contenant des cartouches ROM interchangeables, en fait. C'est anglais, ça, non non, non, non, Fairchild Semiconductor, c'est américain, je crois. C'est américain. Je vais vérifier quand même. Il me semble. Voilà. Donc, ouais, sur le fond. Californie. Okay. San José. Voilà. Ah, José. Un très très vieil easter egg. Ah oui. Bah, oui, apparemment le premier. Enfin, le premier oui. répertorié en tout cas. Voilà. Bon, sans transition et sans lien, sur le coup, petite info rapide que les gens ont dû voir. Depuis le 8 août, on ne peut plus télécharger sur aucune boutique en ligne DuckTales Remastered, qui a été retiré de tous les stores. C'est ça. On ne peut parce plus. Attention. Je précise, on ne peut plus l'acheter. Mais si vous l'avez déjà acheté, vous pouvez quand même le retélécharger. D'accord. Voilà. Petite nuance. Et sur le coup, puisqu'on est le podcast du collectionneur, on va en parler. J'aime beaucoup cette personne qui. Se vante d'avoir trouvé à Micromania dans Bordeaux le jeu en version physique sur PS3, qui fait un tweet en mode « J'achète un jeu qui va forcément devenir rare » et Micromania qui like le tweet pour être sûr que tout le monde le voit. Oui. Il n'y a pas de petit profit, mon cher monsieur. Bon, sachant que Micromania aujourd'hui le vend le jeu 20 euros, hein, si vous le voulez, en version PS3. Alors, il faut même le verser, mais le jeu... Il n'était pas moins cher avant Si, si, si. Je pense qu'il y avait des chances que tu le trouvais dans le bac des gens à 1 euro ou 2 euros. Oui, 5 euros quoi. Mais le remake est génial avec les remix musicaux de Jake Kaufman. Hein. On en parlait, Moura, hier. C'est vraiment bien. Alors, le jeu, c'est un jeu donc, de WayForward qui va beaucoup rappeler Shantae aux gens, surtout par son côté extrêmement verbeux. Oui, c'est ça. On l'a dit. Mais qui est plutôt bien fait, plutôt agréable, qui est plus agréable à jouer que n'était par exemple le remake de Castle of Illusion. Et il apporte son lot de nouveautés aussi, hein, quand même. C'est pas une bête transposition de l'épisode NES, hein, quand même. Oui. Ouais. En même temps, ça aurait pu l'être, ça aurait été bien quand même. Parce que oui, ça aurait été bien quand même. Hein, c'est vrai. C'est plus une relecture, oui, que vraiment une bête transposition graphique. Ouais, c'est un jeu sympa, un petit jeu sympa. Jouez-y, c'est cool. Mais qui disparaît parce que pas de licence. Voilà. Disney. Voilà. Non, mais c'est dingue, quoi. Pas de renouvellement de licence, bim, on enlève le jeu. Voilà. C'est magique. Hein. Ça me rappelle dans les Simpsons quand ils vont au parc d'attractions qui était racheté par Disney, tu sais, avec Skinner. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non, de... je me rappelle. Enfin bref. L'endroit le plus heureux de la Terre, un truc comme ça. C'est une marque déposée, Disney. Ça reprend l'ADA du DuckTales du dessin animé des années 80, hein. Pas celui des années 2010. D'accord. Qui est très bien d'ailleurs, hein, le dessin. Oui, qui est très bien aussi. Qui est une tuerie. Vous êtes passant. Est-ce qu'on a autre chose? Petit tweet rapide d'un ami américain qui a eu un léger déboire avec. Alors, on va pas taper sur tirer sur l'ambulance, mais si, en vrai. Il a acheté une console athée. Après, voilà, tu cherches la merde, tu la trouves. Il a acheté une console MC Games portative Omega Drive dégueulasse. Et en plus donc d'être d'une qualité plus que médiocre et d'avoir une émulation de mauvaise qualité, il a constaté que sa batterie a pris du volume au point où ça en devient dangereux. Donc, quand on a dit que c'était de la merde, je crois qu'on a encore sous-estimé. C'est encore pire que ça. Ah, c'est-à-dire que la batterie, maintenant, en fait, elle a un booty, comme on dit. Hein. C'est terrible. Oh, j'en ai une, moi. Elle pourrait faire du twerk. Dans le tweet, il dit qu'elle a le cul de Beyoncé. j'ai lu ça, oui. Samsung avait le même problème avec leur batterie. Hein. Oui, Samsung avait des batteries qui explosaient. Ouais. Oui, non, mais moi, je l'ai eu avec mon lecteur MP3 Samsung. Batterie, elle a fait... Ah ouais. Dire qu'à notre époque, les batteries, elles fuyaient. Désolé. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Retirer la batterie. Retirer la batterie, tu peux pas faire grand-chose en même temps, la batterie est morte. Hein. C'est comme ça. Ouais, là, c'est fini. Mais bon, en même temps, faut pas jouer avec ces trucs-là. oui, bien sûr. Faut pas jouer avec Ethic. Pour les acheter, pas. Bah moi, j'en avais pris une, moi. Oh mon dieu. Brûlez pelle. Bon. Petite news venue encore de notre ami Mike du Québec. Alors là, par contre, jouer à Mario Kart aurait un effet positif sur les relations amoureuses. Ah bon, oui, mais totalement. J'ai lu ce truc. Ouais, je sais pas, étant donné que Mario Kart, c'est ce qui brise le plus d'amitié avec Mario Party. Et le Monopoly. Surtout le Monopoly, je pense. Hein. Je pense qu'il y a eu des foyers brisés, je pense, à cause de ce jeu. À un moment, on s'était dit on va inviter Antistar pour lui demander, et on l'a pas fait. Oui, c'est vrai que c'est un spécialiste Mario Kart. On aurait pu. Alors, je ne sais pas évidemment quelle est la portée exacte d'une telle étude, mais bon. Apparemment, c'est un fournisseur d'accès internet américain qui aurait réalisé l'étude. Mais surtout que démontrer les bienfaits des jeux vidéo sur les relations de couple. D'accord. Mais dans le podium, entre guillemets, si j'ai bien compris, on retrouve en plus donc Mario Kart, hein, forcément, mais on retrouve aussi Call of Duty et Skyrim. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Cette étude est bizarre. Pourquoi pas Worms aussi, tu sais? Je sais pas. Call of Duty. Call of, c'est bizarre quand même. Skyrim, autant se faire l'aventure à deux, tout ça. Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi Call pas, of, je sais pas. C'est l'amour des armes. Ah, c'est les Américains armes. Aussi. Hein. C'est vrai que c'est dans la mode. En ce moment, c'est à la mode. Donc à partir de là, un but commun, tuons des gens. Yeah. Voilà. Faut pas chercher plus loin. C'est comme le riche Texan dans les Simpsons qui tire toujours en l'air, tu sais. Mais c'est ça. C'est peut-être uniquement des familles de riches texans, c'est pas. Autre nouvelle venue du Québec où décidément ils ont décidé d'être très en avance sur leur temps. Ah mais totalement, là c'est ça va au-delà. Puisque... Attention, accrochez-vous à tout ce que vous pouvez. Le e-sport fait son entrée dans les écoles québécoises. Dès la rentrée, hein. La rentrée de cette année apparemment. Ah, mais Voilà. moi, je veux des retours de gens qui habitent au Ah Canada, bah, est-ce qu'il y aura des qui ont cours d'Overwatch ou des trucs comme des ça? enfants qui vont à D'accord. l'école. Autant je serais pas contre Un une option, encadrement peut-être peut-être là-dessus, ouais. une option histoire du jeu Au bac. vidéo ou enfin pratique du jeu vidéo, parce qu'effectivement, ça devient un phénomène social qui, je pense, devient de plus en plus incontournable. Autant attaquer direct avec l'e-sport en mode ouais, les gamins, Je sais pas devenez tellement comme. si c'est une bonne Vous allez vous faire de l'argent. Devenez comme. Alors j'allais dire Gotaga, mais non, Québec, qu'est-ce qui. Enfin, Ninja ou ce genre de personne, quoi. Je suis pas sûr, mais. Bah, attention, si tu deviens comme Ninja et que tu décides de te barrer de Twitch, on va te démolir ta chaîne et y diffuser du porno. Donc bon, voilà. Ouais, bon, oui, enfin, ça, oui. Coucou Alors, Twitch. cette histoire. Doute, mais bref. Enfin, je sais pas. On a brûlé une étape, je pense, non? Enfin, je sais pas, ils ont Oui. brûlé une étape, Oui, je non, pense. mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout à l'école, quoi. Bah, Ouais. c'est pas Vraiment, compliqué, l'idée. y a deux solutions, soit ils sont ridicules, soit ils sont très en avance sur leur C'est ce temps. que j'allais dire. C'est ça, seul l'avenir nous le dira, en fait. Ouais. Après, attention, on avait tendance aussi, à un moment donné, de dire qu'on avait toujours 20 ans de retard sur ce qui se faisait à l'étranger. À un moment donné, surtout en matière de, comment dire, de tout ce qui est nouvelles technologies, peut-être qu'ils sont, comment dire, qu'ils ont. Mais on est Je sais pas, toujours on en sait pas. retard de toute façon, Oui, nous. non, mais Ouais, voilà. mais je veux dire, Donc, en il y a gros, des je pense forces que c'est qui pour changent ça. pas, hein, qui sont en Je pense avance. que. Je pense qu'avec notre petit regard de fromage qui pue, des fois, bah, on Ah non, voit les mais c'est choses pas peut-être d'une propre au façon un peu Québec, c'est différente. juste en général, est-ce que c'est une bonne idée, comme dit Moa, de passer tout de suite par la case argent Je suis Voilà. quand t'es à Bah, l'école? attention, Moi, je après, suis pour, tu vois, on ne sait par pas. exemple, les cours de musique, cours d'art plastique, Ah, je suis voilà. pour ça, pour que Mais c'est le terme e-sport bah, pour que les gamins, Hmm. ils sachent que ça existe, ils voient ce que c'est, ça se trouve, ça peut leur plaire et tout. Et introduire un module jeu vidéo, ouais, pourquoi pas. Mais Mais ouais, ouais, c'est le côté e-sport, quoi, tout de e-sport qui suite, dérange. direct. Après, les Oui, écoles, tu. maintenant, forment plus les gens à. Instruisent plus les gens, elles les forment pour des métiers, donc pourquoi pas. Oui, t'imaginais, C'est toi, dans les l'air du cours, temps. un peu comme les cours de musique qu'on avait, c'est-à-dire un cours où le professeur montrerait Mario 1 et expliquerait le level design et comment Shigeru Bah oui, Miyamoto fait pour t'expliquer des comment trucs. jouer dès les premiers Cours écrans. d'histoire du jeu vidéo, quoi. Totalement. Le Et... problème, en plus, le problème avec l'e-sport, le problème qui se pose, c'est que c'est pas un métier porteur Tu d'avenir maintenant. On sait t'imagines un peu les pas, cours on sait d'e-sport en pas. France? Allez, aujourd'hui, au lieu de faire 10 pompes, vous allez me faire chacun 10 fracs. Vous sortirez pas de Dix la salle tant que vous n'avez pas fait 10 fracs. Mais t'imagines le truc? Mais ça, headshots. je trouverais ça trop drôle, quoi. Dans le Non, mais en chat, termes d'argent, qui sont. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à véritablement se dans faire le de chat, l'argent ça parle de dessus. faire Et ça lui coûte très bien. un club façon, ouais, club d'échecs, club jeu de rôle et tout. Ouais, Ouais. pourquoi pas aussi. Hein, effectivement, c'est pas À spécialement voir. ridicule, mais je trouve ça dommage d'attaquer direct. Bam, e-sport. Ouais, Par voilà. l'aspect financier du truc. C'est ça. Mais. Et du coup, en fait, dans 10 ans, ce sera le bac ES, e-sport. Ah oui, je rigole pas. Elle est pas mal celle-là. Ce On sera tient plus quelque économique et chose. social, ce sera On a e-sport. un concept. J'ai rien entendu, je suis pas prêt. C'est terrible. Oui, c'est terrible parce que là, tu es en train de te dire, ça aurait pu servir pour une planche, ça. Mais oui, mais elle peut toujours servir Ah, parce que là, on l'a demandé. le monde entier sait que c'est moi qui l'ai dit. Donc du Ah bah coup, vas-y, il n'y a pas de problème, on a la preuve. Hein. voilà. Bah oui, elle est enregistrée. Je couperai au montage. Petite news des petits vieux qui aiment bien le papier. Des livres. Hein, Alors, c'est hop, quoi? premier lien, pouf, chez Bitmap Books, dont on a déjà dit beaucoup de Le bien. livre Metal Slug, ouais. On en avait déjà parlé, le livre Metal Slug. Une Ça bêtise. sort au mois de novembre, c'est en pré-order. Ouais, donc 30 livres pour l'édition normale. Et l'édition fully loaded qui n'est plus en stock, je crois qu'elle était à 50 ou 60 livres, un truc comme ça. Hein. Donc de toute façon, il ne reste plus que l'édition standard. Le livre, il a l'air pas, franchement pas dégueu. Payer des livres en livres, quoi, c'est merveilleux. Ouais. C'est toujours, voilà, c'est toujours très documenté et bien foutu, il n'y a pas de souci. au niveau de chez Bitmap, c'est toujours du gros boulot. Ouais, et puis je veux dire, au point de vue de conception graphique, leur bouquin ils tabassent, attention, c'est... ils rigolent zéro. Voilà, et puis même après, dans la réalisation, la qualité du papier, la qualité des reliures, il n'y a pas de souci avec eux. Ah non, c'est clair. C'est du beau bouquin, mais c'est du beau bouquin qui est là pour un moment. Hein. C'est pas du petit livre éphémère. Hein. Pas de souci. Seconde sortie. Sortie. Alors. Précommande. La préhistoire de jeux vidéo chez Pixel Love. Bon, selon pas de mauvaise foi, le bouquin Metal Slug était aussi en préco. Non, mais c'est pas ça, c'est non, que Bitmap Books, ils sont à l'heure généralement. Oui, je sais bien. Chez Pix, des fois ça marche, des fois c'est la Bible Dreamcast. On rappelle toujours hein, la Bible Dreamcast, un petit big up à tous ceux qui l'ont préco en avril 2017 et qui continuent à demander mais où ça en est, ne pas avoir de réponse ni sur Facebook ni sur Twitter. Voilà, on vous aime. Et donc. Comme d'habitude chez Pix & Love, ça va peut-être être intéressant, mais on vous conseille de ne l'acheter qu'une fois que c'est sorti. Voilà. Après, il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas. Ouais, c'est prévu pour le 31 août. Hein. Voilà. Ah ouais, ils ont deux semaines. Hein. D'accord. Incessamment sous peu, ça coûte 12€. Et ça va parler de la spécialité de Monsieur Chou. La préhistoire du jeu vidéo. Alors, sur le coup, j'étais super saucé. D'ailleurs, c'est Max Frad qui nous a mis le lien sur le Discord. Coucou à lui, d'ailleurs. J'étais super saucé, pour le coup. Puis après, j'ai vu le nombre de pages et je me suis dit, aïe, 128 pages. Je trouve ça trop léger. C'est ça que je veux dire. Carrément. C'est pas compliqué. Si on prend le, comment dire... allez, la moitié du bouquin, comment il s'appelle, Complete History of Video Games, c'est un bouquin anglais que j'ai acheté pour 6 ou 7€ sur Amazon, qui fait, je crois, 600 ou 800 pages. Si on prend juste le truc qui va du tout début jusqu'à l'Atari 2600, c'est déjà... Sans compter les images de jaquette, voilà. Ils prennent 2 pages, évidemment. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucune image dans le bouquin anglais, hein, qui est excellent, et vous pouvez le trouver en PDF, lire sur la tablette, avant de l'acheter en physique, que je l'avais lu comme ça. Donc je pense que je vais le prendre quand même. Je vais pas faire la fine bouche parce que c'est quand même un truc qui mérite quand même la documentation. Et apparemment, c'est un bouquin franco-français. C'est un enseignant-chercheur à l'université de Montpellier, donc monsieur Damien Djaouti, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui nous ouvre en fait ses archives. Donc, le bouquin, de toute façon, je compte le prendre, mais j'ai peur que ça soit peut-être un peu léger et que pour le coup, il nous fasse le coup du « Ah ben... » Tu veux d'autres infos? Il y aura un tome 2 ou un truc comme ça. J'ai un peu peur de ça, mais de toute façon, je vais le prendre quand même. Il parle quand même d'un bouquin en noir et blanc avec des visuels, mais je pense pas qu'il y aura... Et d'après les deux exemples qu'il y a, ça a l'air assez aéré quand même. Hein. Ça a l'air assez... J'avais pas vu les images, effectivement. Ouais. T'attires mon attention là-dessus, c'est bien. Ouais, c'est des images, je suis désolé, c'est des images dans mes recherches ces 5 dernières années, c'est des images quasiment déjà vues, ou alors vues des trucs similaires. Je vois une photo de Letzak, un vieux supercalculateur, je connais ce truc-là, malheureusement. Enfin, je suis persuadé que la photo, c'est peut-être un truc parmi des centaines de choses intéressantes dans ce livre, et bon, je le prendrai quand même de toute façon. Petite parenthèse rapide, comme tu l'as dit, la Fully Loaded Edition du livre sur Metal Slug est out of stock. Juste pour pleurer sur ce qu'on a loupé, elle était limitée à 1000 exemplaires. Et quelle était la différence avec la version standard? Je vous le demande. Eh ben, c'était une surcouverture, oui. Avec dessus les boutons représentant chacune des armes du jeu. Et quand vous appuyez sur le bouton en question, ça fait le bruitage du jeu. Donc si vous appuyez sur H, ça fait Heavy Machine Gun. Voilà, une couverture sonore interactive. Pourquoi j'ai loupé ça? Mais c'est marrant. Alors attention, quand ça a été annoncé, parce que je m'étais inscrit à la mailing list ou un truc comme ça, oui. Le lendemain, il n'y en avait déjà plus. Parce que sur le coup, j'ai eu le mail, mais bon, je l'avais mis sur ma liste de choses à faire et j'ai pas été voir tout de suite. Et le lendemain, je dis, ben merde, en fait, il a pu. Donc c'est parti très très vite. Comme d'habitude avec eux, je pense. Et au niveau de toujours sortie de livres avec du papier, notre ami Florent Gorge met la max sur ce Noël et annonce plein de belles choses, dont un livre le sushi. Second recueil de notre ami Roulement de tambour. Petite Pelle, qui va s'appeler donc L'amour est dans le play. Le play. Et qui va bientôt être précommandable sur le site de Omake Book avec un bonus que nous ne révélerons pas ce soir. On vous laissera la surprise. Moi, je veux une édition collector comme le premier tome. C'est ça. Il n'y a pas un truc pareil ou mieux, attention. Alors, c'est le 29, c'est dans 2 semaines, jour pour jour. Hein. C'est, voilà, c'est jeudi dans 2 semaines. Notez la date. Voilà. Il y aura donc un petit quelque chose supplémentaire si vous l'achetez chez eux. Et du coup, le prochain podcast aura lieu le jour de la sortie, hein, quand même. Ouh, d'accord. C'est beau, ça. Et ben, on fera une interview de cet artiste talentueux. Je demanderai s'il est dispo. Du coup, Petit Pelle fera des dédicaces dans 2 semaines. Lors du podcast. Lors du podcast, vous viendrez, il vous dira « Voilà, je signe son exemple. » C'est à quel nom, voilà. C'est ça. Et oui, évidemment, comme tu l'as dit, Pelle, il y a d'autres livres qui vont sortir, dont une encyclopédie du ramen et une encyclopédie du sushi. Du sushi, ouais. Et aussi des romans Apex. C'est ça. Et il y a autre chose intéressante, la traduction de la biographie officielle de Jackie Chan. Jackie Chan, ça, par contre, je ne l'avais pas vu venir. Ouais. Et voilà. Et ça fait partie des choses qui, à l'air de rien, c'est sympa. On se dit, tiens, pourquoi pas. Oui, clairement. On aura l'occasion d'en reparler, c'est pas encore en préco sur le site, tout ça. Ça a à peine été annoncé sur le Twitter. Il y a qui pour remplacer Jackie Chan maintenant? Parce qu'il y a eu Buster Keaton, il y a eu Jackie Chan, et là on n'a plus personne comme lui là. C'est clair. Alors, il y a Jet Li, hein, mais même Jet Li c'est fini, quoi. Ouais, il y a Donnie Yen, non? Oui. Ouais, non, mais tu sais qu'ils font toutes leurs cascades pour de vrai et tout. Tu peux quasiment plus maintenant, ouais. Parce que les assurances veulent plus. C'est vrai que Tom Cruise le fait aussi. Et lui, il a dit, il a trouvé la combine. Lui, il produit lui-même ses films, comme ça, il n'y a plus de problème. C'est ça. Non, mais c'est totalement ça. Hein. Mais après, le jour où Tom Cruise arrive à faire ce qu'a fait Jackie Chan, c'est pas tout le dans sa carrière. Oui. Regardez juste Marin de Mort de Chine. Hein, et... C'est nul. Le meilleur, c'est Belmondo. Voilà. Ce que j'allais dire. Il y a notre bébé là, quand même. Hein, ouais, c'est ça. C'est l'as des as, oui. Mais oui, le faisait vraiment. Il n'y a plus trop de personnes qui le font, quoi. C'est vrai. Bon. Ou si c'est dommage, ou si c'est bien. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler de toutes ces sorties de livres à la fin d'année. Voilà. Donc, wait and see. Sans transition, un petit tweet qui fait froid dans le dos. En tant que collectionneur, des personnes attirent notre attention sur l'augmentation assez significative de la qualité des copies de jeux, notamment Super Nintendo. Mmh. Ah oui, là, j'ai pas vu. Donc là, on a un jeu que connaît Monsieur Moi, qui est donc dans une version originale et dans sa version copie. Alors déjà, rien qu'à l'étiquette... À l'extérieur, c'est impossible. Oui, je défie quiconque de voir la différence. Et à l'intérieur, à l'intérieur, on se rend compte que le PCB. Il y a une différence. J'ai repéré direct. En dessous du logo Super Famicom, il y a un contour noir sur l'écriture qui est en blanche, qui est quand même beaucoup plus. Attends, c'est sur la copie ou c'est sur l'original? Enfin bref, c'est apparemment la seule différence que j'ai repérée. Et on dirait, le lettrage noir est un peu moins fin sur la copie. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as pas les deux côte à côte, hein... C'est pas ça. Ça va commencer avec. Faut que tu prennes une loupe. Ouais. Et donc à l'intérieur, on a une reproduction de PCB quasi à l'identique. Ouais, ça c'est terrible. Hein. Ouais, il y a juste les puces quoi, qui n'ont pas le même nom, mais il y a 2-3 petites différences, hein, mais c'est pas bon, c'est. Mmh. C'est bien fait. Enfin, hein. Après, il y a peut-être aussi une façon, une fois que tu as ouvert la cartouche, de voir un peu. Au niveau de la gueule des soudures, je veux dire, des soudures faites en usine à la machine. Alors, non, mais de toute façon, la puce elle-même, c'est pas compliqué. S'il n'y a pas le code dessus, le SHVC et le code du jeu, c'est mort. C'est un sûr. Mais quelque part, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui peuvent se faire avoir, étant donné que les puces MX, tu as ça dans les jeux Game Boy Advance. D'accord. Ah. Donc tout ouais, ça, pour moi, ça commence à être compliqué. Attention, quand je dis dans des jeux Game Boy Advance, notamment Legit, hein, qui porte le nom MX, c'est le nom de la marque en fait. D'accord. C'est le nom de la marque du fabricant de semi-conducteurs, qui, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais enfin. Voilà. Ok. Alors, sans transition, je continue à dire sans transition, des jeux. Alors, Art4 Games, Monsieur Chou qui nous dit qu'il a joué à un jeu. Alors, chaîne YouTube très sympathique, je suis depuis un moment. Généralement, ils font des vidéos sur des prototypes, des consoles, comment dire, utilisées pour du débogage, des trucs comme ça. Et là, ils ont fait une vidéo de 20 minutes sur un jeu d'une série qu'on connaît tous, à savoir la série PC Genjin ou Bonk en Occident. Ah, bah oui. Là, en fait, c'est un proto d'un jeu qui s'appelle Bonk Brink of Extinction. Bon, le jeu n'a pas l'air foufou, mais en fait, quand on se voit, on se dit le jeu était terminé. Ah, mais c'était le jeu qui était censé sortir. Ça, oui, c'était le jeu qui était. PS3, WiiWare et 360. Ouais, il avait été annoncé, hein, ce jeu, ouais, voilà. Je me rappelle. Ouais. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent regarder, c'est assez sympa. Puis ils ont l'air quand même relativement sympathiques sur cette chaîne. Enfin, vraiment, je les suis. Ouais. Et moi, je porte tout. Enfin, j'adore cette série. Hein. Je sais bien. Et du coup, moi, c'était un jeu que j'attendais à l'époque. Hein. Vraiment, quoi. J'étais vraiment déçu de voir qu'il était tombé. Je savais même pas qu'il était prévu. Ah ouais. Si, quand j'ai vu la vidéo, je me suis souvenu vaguement que ça avait été annoncé. Ouais. Mais je me souvenais pas avoir vu la moindre image de ce truc. Non, moi, je savais. Alors, il y avait eu que des images qui circulaient. Je me rappelle d'une image dans un joypad. Il y avait c'est le magazine que je prenais à ce moment-là, et j'avais vu les images, deux images dans preview du jeu en question. Et depuis, rien, mais strictement rien. Donc du coup. Donc voilà. Donc il y a des gens en fait qui ont visiblement plus qu'une copie jouable. Ouais. Parce qu'ils ont apparemment une copie qui est proche de la version finale. Mais alors maintenant que la licence Ubisoft appartient à Konami, ouais, c'est vraiment peu probable que. Ah non, il n'y aura plus jamais d'épisode. Et c'est vraiment dommage. Je pense, oui, malheureusement. Ouais. Parce que c'est pas dans la logique de Konami de faire un truc. Hein. C'est ça, c'est vraiment triste. Quoi. Parce que là, en 2D.5, ça fonctionne en fait. Hein, oui, oui, oui, oui. Bon, après, la vidéo dure 18 minutes, il y a peut-être 13-14 minutes de gameplay, je pense, dedans, par-dessus lesquels ils commentent. À voir aussi la longueur du jeu, ce qu'il y a dedans et tout, en termes de contenu et tout machin. Ouais. C'est pas ultra moche, c'est pas non plus ultra joli, mais j'imagine bien, tu vois, un petit jeu comme ça, vendu, allez, 8€ maximum, et que tu joues, tu passes un bon petit moment, et puis voilà, quoi. Et pour continuer à glisser sur une autre news à peu près similaire, jeu Xbox, lui, qui a également un statut de non réalisé, mais qui, lui, sur le coup, a été terminé. Effectivement. C'est donc un jeu qui s'appelle le Free Fall. Je vais le prononcer en français, ce sera mieux. Hein. 3050 AD, voilà, parce que mon accent... Voilà. Donc un jeu d'un développeur qui s'appelle Total Arcade Software. Et en fait, c'est un jeu qui, à la base, était prévu sur une console que personne ne connaît, qui s'appelle la Nuon. Quelqu'un connaît la Nuon ici ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une console, en fait, comment dire, c'est une sorte de console de jeu intégrée dans un lecteur DVD. Ça date du début des années 2000. Il y a Tempest 3000, je crois, dessus. Et quelques jeux... C'est uniquement comme ça que je connais la console. Le lecteur, il est partout. Voilà. Et en fait, le jeu était prévu là-dessus. J'ignore s'il était sorti sur la Nuon. Il me semble. Et là, en fait, le portage était fait pour la première la Xbox originale, on va dire, en 2004, mais annulé à cause de la sortie imminente de la 360. Et donc, un YouTuber du nom de Modern Vintage Gamer, et là, vous allez me dire, comment le mec, il a pu aider à faire sortir ce truc ? C'est un type que je suis aussi depuis un petit moment, et en fait, c'est un type qui faisait du codage et du hacking sur la première Xbox, en fait. Il connaît quand même relativement bien son sujet et du coup il a été contacté par les développeurs en fait de ce jeu qui s'appelle Free Fall. Ils lui ont dit voilà, est-ce que vous pouvez nous aider, il y a quelques bugs, quelques trucs à corriger. Et dans la vidéo justement il explique comment jouer au jeu sur une Xbox originale et comment il a fait aussi pour essayer de contourner certains bugs et certaines trucs qui posaient problème. Donc voilà. Si vous avez, si ça, mais ça vous intéresse, ça dure un petit quart d'heure et la vidéo, elle est loin d'être désagréable. Concernant l'avenir du jeu vidéo, on l'a déjà dit, le FPGA sera sans doute une des options des années à venir les plus intéressantes. Ouais. Et une autre console arrive avec sa version FPGA, la ColecoVision. Yeah. Ouais. Yep, yep, yep. Ah, par contre, le tarif... Ah, c'est-à-dire Maryse. Ma chère Marie, ça démarre à 200$, quoi. Ah, c'est le tarif des, pour l'instant, des Super Alors, NT et autres Mega SG. Alors là, en fait, je vois que ils ont corrigé la page ces derniers jours. Parce qu'il y avait une version Ultra Collector, on ne sait pas trop comment, qui était à 800$, je crois, un truc comme ça. C'est la console de notre ami Tommy Talarico. Non, c'est encore autre chose. Là, en fait, ça s'appelle la Collector Vision Phoenix. Ah, ouais. Voilà. Okay. Collector Vision. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la console de Tommy Talarico. Là, c'est donc un FPGA ColecoVision entièrement 100% compatible. Région free. Donc compatible, voilà, 560 Hz. Compatibilité aussi mondiale au niveau des alimentations, les blocs secteurs. Donc ça va de 110 à 240. Ouais. Vidéo HDMI 480p, mais apparemment capable de faire du 720p d'après ce que j'ai compris. Et alors là, je vais mettre mon veto, parce que 200 balles, la console, elle te sort que du 480p. Ah oui, mais attends, c'est pas fini. Ouais, mais... Mais je suis d'accord avec toi. Moi, perso, j'ai vu ça, ça a été un peu le truc qui m'a fait un peu... Voilà. Ce que je veux dire, ça veut dire que dedans, le FPGA qui est dedans, bah, c'est pas le même que celui qui a dans celle à 200 balles, hein. Et dedans, il y a aussi un Core, C-O-R-E, hein, pas, voilà, de l'Atari 2600. Donc, tu peux jouer au jeu Atari 2600. Voilà. Sachant que moi, j'ai des news obscures, hein, sur d'autres trucs, là. Donc, voilà. Après, bon, comment dire... Alors, la machine en elle-même, la ColecoVision... C'est sympa. Le problème d'y jouer maintenant, c'est que t'es obligé d'essayer de choper une Coleco avec une prise Péritel, donc seulement la Coleco sortie en France. Ouais. T'as un énorme problème au niveau du bloc de l'adaptateur secteur qui envoie plus ou moins de voltage et la console, soit t'as un truc que tu fais cramer dedans, une puce de RAM, soit la console elle aime pas et elle te le fait savoir parce qu'elle affiche plein de glitches graphiques, ce qui est le cas de ma console. Les manettes, c'est ultra compliqué d'en trouver une qui fonctionne, voire même d'en trouver une. Ouais. C'est oui. Mais sinon, c'est sympa. C'est un peu mieux que l'Atari 2600. On va dire c'est le chaînon manquant entre l'Atari 2600 et la NES. C'est un petit peu le même problème aussi avec la vidéo pack aujourd'hui. Le vidéo pack, si tu veux jouer dans de bonnes conditions, il faut acheter le modèle Péritel qui existe. Et pour en trouver un aujourd'hui, c'est... Voilà. C'est un peu la merde. Bah, le Vidéopack est quand même moins attrayant qu'une ColecoVision. Oui, on est là. Enfin, pour certaines personnes, mais bon. Ouais. Mais ça. Voilà. Ouais. Ok. Je vais je vais m'immiscer dans les news. C'est des trucs que j'ai pas mis dans notre pool de news parce que c'était pas très officiel ou quoi que ce soit. Mais il y a nos amis de chez RetroRGB. En ont parlé, du coup bah, je me dis allons-y, hein. Y a Analog, en fait, il y aurait eu, c'est une rumeur, c'est pas une news, c'est une rumeur, mais parce que ça rejoint ce que le sujet là, il y aurait eu une roadmap de la société Analog, ce qu'elle aurait dans ses cartons. Elle aurait dans ses cartons une console portable en FPGA. Alors on sait pas trop si c'est la Game Boy, si c'est la Game Gear, ou si c'est des Super Nintendo, Mega Drive, mais portable, on sait pas trop, mais une console portable. Mais elle aurait surtout un projet 8 bits, entre guillemets. C'est-à-dire des consoles 8 bits. Il faut savoir que ils ont une NES analogue, NES qui coûte 500 balles, je sais plus, enfin, avec un châssis en aluminium brossé, enfin bref, un truc complètement ridicule et stupide. Mais cette NES, il faut savoir un truc, c'est que en fait, il y a des ports pour à peu près toutes les consoles jusqu'à la NES et la Master System. Donc vous pouvez jouer à n'importe quoi. Et ce fameux projet 8 bits, entre guillemets, on sait pas trop, mais ce serait peut-être ça, mais en moins cher. Voilà. Quelque part, on sait déjà à peu près le nom parce qu'ils ont déposé en fait des brevets. Ouais. Mais c'est à peu près tout. J'ai lu le truc tout à l'heure en fait, mais effectivement, j'ai pas mis dans les C'est news. ça, bah j'avais lu moi sur des sources un peu mystiques et mystérieuses, mais comme j'ai dit, rétro RGB, on a reparlé, je me suis dit, bon bah allons-y, hein, c'est pas grave. Et c'est quoi les noms déposés alors aussi? Et bah, Attends, c'est des brevets déposés en fait, donc ça a pas de nom, mais Ils ont D'accord, déposé apparemment Analog Pocket, Ah, ils sont Analog comme... 8. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, quand même, un Après, ils Pocket, sont... d'accord, ouais. après, ils parlent d'autres trucs pour le courant d'année. Ah non, c'est tout. Analog 8 et Analog Pocket, ouais. Je pense qu'ils sont pas fous. Quand ils ont vu combien ils ont vendu de Super NT, de Mega SG, la demande qu'il y a eu, Ah oui. Ah oui, il y a ils eu ont de la dû se demande, dire, ça c'est bien ouais, vendu. bizarrement, quand on l'a fait payer 3 fois moins cher, il y a vachement plus de monde qui l'achète. Ouais, hein, c'est bizarre. C'est étonnant. Et toujours Je chez trouve le marché. Analog, j'en avais parlé il y a un moment, leur projet d'avoir un convertisseur numérique vers analogique. Pour en gros, plus ou moins l'idée était de brancher leur Mega SG et Super NT sur un CRT. Il y a des youtubeurs, enfin pas des youtubeurs, non, plutôt des techos, notamment par exemple Retro RGB, encore pour le citer, hein, qui ont reçu un prototype de ce machin-là. Donc c'est en cours de développement, on va dire, hein, plus ou moins avancé. Et l'idée serait voilà, de jouer à ces consoles FPGA, mais sur CRT. Boucler la boucle un peu. À voir, je sais pas. Je sais pas trop. Ça a un intérêt quelconque, ça marche bien, mais. C'est en cours. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on appelle un DAC, c'est ça, un Ouais, c'est ça, digital c'est audio exactement ça. analog. C'est Ok, d'accord. exactement ça. Donc potentiellement, le support des jeux avec le light gun, non? Avec les zappers, des trucs comme Le ça, non? support, oui, c'est totalement prévu. C'est une option prévue. Ok, ah ça peut être une bonne nouvelle, Ouais, ça peut être très intéressant, hein. Pour revenir sur l'analog NT, donc l'analog NT est un tarif bon farfelu. Ils avaient sorti ensuite la NT Mini. Un tarif plus abordable, donc il n'y avait pas de puce originale à l'intérieur. Aujourd'hui, elle n'est plus disponible nulle part et elle coûtait 450 dollars. Ouais. Et l'analogue NT, oui, Imaginez c'était. que le temps passé, peut-être que aussi le coût de fabrication, tout simplement des puces a diminué. Ah oui, non, mais c'était une console complètement. Elle était débile, l'analogue NT. Il y avait des vrais morceaux de NES dedans, c'était de l'aluminium brossé, il y avait 4 Oui, ports effectivement, cartouches. tu avais dedans, je crois, le bouton Power Reset, qui était des vrais boutons en fait de la NES originale. Et le PPU était celui de la NES aussi. En fait, Oui. Ah oui, c'est vrai, ils oui, prenaient des exact. NES cassées et. Ah oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils étaient obligés de Ouais. retrouver du vrai matériel, Sur quoi, mais. la première, ouais. Et t'avais 4 ports cartouches. T'avais, oui, le châssis en Le 4 pour aluminium. manette. 4 4 pour ports manette. manettes, pardon. Ports cartouches pour Famicom et NES. T'avais, Ouais, en fait, enfin. c'était du super matos, quoi. Et elle coûtait, ouais, je crois, plus de 850 balles. Après, ils ont sorti la Ouais. version FPGA, donc comme on Si, disait Beyond, mais toujours de mémoire, moi, 300 balles, quoi. tu pourras peut-être voir si je me souviens bien sur le premier FPGA NES. Si tu jouais sur un CRT, tu pouvais quand même utiliser le zapper, si ma mémoire est bonne. Alors, en fait, c'est ça que Pas je si voulais tu te dire souviens de aussi, ça. c'est que l'analogue NT et la NT Mini, elles avaient simultanément sorti vers HDMI et sorti directement analogique sur un CRT, en fait. Il y avait Exact, les ouais. deux intégrés dedans. C'est pour ça qu'elles coûtaient mais un prix astronomique. Oh, voilà. Et donc, ouais, tu pouvais jouer au Alors. Light Gun aussi. Mais bon, voilà, c'est. Il y avait trop d'options, trop de fonctionnalités. Et ben on verra bien Et trop cher. ce que Analog nous réserve. Peut-être pour la fin de l'année, peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas. Dernière petite news, j'allais dire oui, dernière vraie petite news avant de passer à notre sujet principal. Les premiers modèles de Switch sont dans la nature. Les premiers nouveaux modèles de Switch sont dans la nature. Et on constate un réglage des couleurs un peu plus chaud que sur le système original, qui serait dû à un changement d'écran. Et ça, apparemment, l'écran des nouvelles Switch est différent. Différent, c'est mieux ou c'est moins bien? Alors, moi, les Les images que couleurs j'ai sont plus vues, chaudes. les couleurs sont plus Voilà. chaudes et je préfère. Est-ce que c'est D'accord. mieux? Est-ce que c'est moins bien? C'est une affaire de goût. Pense que c'est chacun jugera. Ouais, alors, non, mais c'est important parce que si c'est juste une histoire de goût, oui, ça rend le truc assez. Y a pas l'air C'est d'avoir confidentiel, en fait. D'accord. définition améliorée ou je sais pas quoi, tu vois. D'accord. Les couleurs sont différentes. Voilà, c'est comme quand tu achètes une nouvelle télé, que tu la règles. Il y a des gens qui vont régler les couleurs sur chaude parce qu'ils vont Oui. préférer. Il y en a qui vont préférer des couleurs plus froides. Ok. Après, le truc, ça reste sur l'écran, c'est l'écran LCD de la console elle-même. Évidemment, ça ne Ouais. change rien du tout quand vous balancez ça en HDMI sur votre télé. Oui, c'est Et ça, c'est vraiment. en plus de d'une autonomie plus longue, apparemment, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc Donc c'est. Bah, il faut le savoir. Les premières Switch commencent à arriver dans la nature. Et Mais ce sont on des sait. avantages que pour le côté portable, en fait. Tout à fait. Oui, bah pour le coup, oui. La nouvelle Switch, entre guillemets, elle a été améliorée pour le côté portable. Alors qu'ils Oui, sortent une console portable à côté. Mais. oui. Oui, Oui, mais a c'est parce qu'ils n'ont priori. pas eu le choix aussi, donc. Oui. A priori, voilà, Nintendo a dit que, de toute façon, les nouvelles consoles, il faut pas. Ils ont demandé aux éditeurs de ne pas compter sur un gain de puissance supplémentaire. Voilà, ouais. Donc, a priori, ça va rien changer pour l'utilisateur, mais le processeur qui anime effectivement les consoles n'est pas tout à fait le même. Là, ils n'ont pas eu le La choix. puce mémoire non plus n'est pas la même, la NAND n'est plus la même non plus. Bref, ça évolue. Ça évolue, mais comme évolue une PS4 quand elle devient la PS4 Slim, en tout en restant le même Oui, modèle. c'est ça. Oui, voilà. Il n'y aura aucun impact sur le jeu en lui-même, en fait. Non, enfin après ça peut être aussi sans doute s'expliquer. En fait, tout type d'écran, que ce soit des dalles, des choses comme des choses comme ça, au bout d'un moment, ça peut arriver que ça soit plus produit. Ouais, c'est Oui, ça, c'est ça. Ou alors que peut-être chez Nintendo, ils ont trouvé un truc moins cher et puis surtout, je dirais pas mieux, mais voilà, surtout moins cher et peut-être qui est un peu moins gourmand en termes d'autonomie, puis voilà. Hein. Toujours en parlant d'écran et pour faire transition avec le sujet dont nous allons parler juste après, hop, une précommande d'écran pour changer l'écran de sa Game Boy Advance. Et avoir à Voilà. la place un écran avec la technologie IPS. Voilà, donc on va en parler. Un des points faibles, clairement, de la Game Boy Advance, premier modèle comme la SP, c'est son écran. Pas se mentir, Carrément. c'est pas fantastique. Nintendo ont corrigé le tir avec le modèle 110-101, entre guillemets. AGS 101, oui, effectivement. Mais ce modèle AGS 101 donc, est sorti aux États-Unis. En Europe, il y a des gens qui jurent qu'elle existe en rose ou en tribal. Il y en a d'autres qui disent absolument le contraire, qui disent que c'est faux, qu'elle n'est jamais arrivée en Europe. Moi, j'ai jamais vu, mais. Voilà. Moi, j'en ai jamais vu une européenne non plus. Donc, je ne sais pas. Bref, si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur et que vous avez envie d'avoir un nouveau joli écran, 35 $, ça paraît correct, je pense. Après, oui, parce Enfin, qu'en fait, attention, comme d'habitude. moi j'avais lu le chiffre de 35 $ pour la précommande et quand j'ai cliqué, le site me dit 49 euros. 49 $ plutôt. Ah Voilà, donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Alors attention, ah oui, donc ce n'est 35, pas. c'était bien. 50, ça commence Voilà, à. attention, ce n'est pas que l'écran. Donc c'est l'écran, c'est la dalle avec tout ce qu'il faut, le câble ruban, machin, tout ça. Ouais, Et mais aussi justement. le protège-écran qui est en verre trempé. Ce qui est déjà un bon truc, parce que bon. Mais enfin, je sais plus combien ça coûte en fait un écran, entre guillemets, type AGS 101, mais pour mettre dans la GBA première du nom, Alors, on est loin les 50 balles, j'ai hein. plus le prix, mais j'ai une réponse, c'est plus que 35 $. Non, je parle d'écran récent que tu peux commander sur les sites chinois ou quoi. Ah, tu. D'accord, À ok. 35 balles, hein. Ouais, je sais pas. Parce que ma GBA modée avec cet écran qui déchire, je l'ai payé 59 euros, un truc comme ça, l'an passé. D'accord. Mais alors, Enfin, voilà, on en parlera sans doute tout à l'heure aussi, mais voilà, pour le coup, je dirais pas, c'est peut-être un peu excessif cet écran IPS, je pense que ça va être super, mais le prix par contre, m'enchante un peu moins. Et bien que tu le soulignais quand même, faut avoir l'âme de bricoleur quand même un minimum hein, pour ça. Ah ouais. Voilà, ça reste assez minutieux, c'est pas grand. Ah, moi non plus. Hein. C'est pas gratuit à faire, j'imagine que c'est comme le mode dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et tu as genre deux trucs à souder sur la carte mère, mais à des contacts. Oh, ouais, franchement. Quand t'es comme moi et que t'as des pieds à la place. Non, mais c'est pas ça. C'est même moi qui, suis réputé pour faire les soudures pas dégueu. La première console, j'en ai modé deux. La première, c'était pour un pote, je l'ai réussi à la perfection, il est reparti avec. Je me suis comme ça, il m'a foutu la paix. J'ai pu faire la mienne. Et la deuxième, je me suis chié dessus. L'écran a jamais fonctionné. Non, parce que moi, j'aimerais bien avoir un GBA modé et tout. Et ben, moi, en fait, je l'ai par des gens qui. En fait, c'est ce que j'ai fini à faire. J'ai fini par faire. Parce qu'en fait, le problème quand t'achètes ce genre d'écran sur les sites chinois, déjà, ça met 3 semaines, 1 mois à arriver. T'es pas sûr dans l'état où ça arrive. Du coup, je m'étais dit, je vais pas me faire chier. Voilà, je vais commander une console déjà modée. Ouais, et j'en regrette pas. Je pense que c'est ce que je ferais aussi. Parce que c'est toujours agréable de pouvoir jouer sur. Ouais, tu peux jouer à tous les jeux Game Boy Color, Advance, là-dessus, t'es bien. Hein. Mais bon, c'était bien. Est-ce que on peut... Et donc, sur le coup, voilà, on va pouvoir passer au sujet principal qui est... Un sujet que moi, il kiffe. Avec tout le monde, hein, je crois que c'est une console qui est extrêmement populaire en plus parmi nous. J'adore, hein. GBA. C'est marrant, on n'en parle pas souvent, mais voilà quoi. Là, on a l'occasion. Par contre, autant j'adore cette console, j'ai de très bons souvenirs. C'est la première console que j'ai eue en me disant putain, mais le son il est dégueulasse. alors que maintenant, rétrospectivement, moi j'arrive pas à détester le son de la Mega Drive. Je sais qu'il y en a qui aiment pas. Hein. Par contre, la GBA, je peux pas. Je suis désolé. Vous voyez qu'on parlait de la Lynx, moi, merde. Ah ouais, c'est dans 15 jours. Non, ça dit. Blague à part, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je disais aux autres hier concernant le son de la GBA. La même chose. Les gens critiquent le son de la Mega Drive alors que je trouve que c'est un son qui a une identité. Et aussi, c'est par rapport à l'époque. Hein, et qui a vraiment ses forces, quoi, notamment les basses puissantes, enfin vénères et tout. Autant personne critique le son de la GBA, alors que c'est vraiment une des consoles qui, à son époque de sortie, je suis d'accord, un son un peu dégueulasse quand même. Oui, je suis d'accord, mais je suis pas sûr que personne ne la critique. Je crois qu'elle est quand même assez. Je veux dire, le son Game Boy Advance, c'est vraiment une mauvaise réputation, il me semble quand même. Disons que je vois moins les gens tailler la GBA. Ouais. Enfin bref, on en reparlera peut-être un peu plus tard. On va commencer par le commencement. C'est possible. Oui, commençons par le commencement. Je voulais commencer comme d'hab pour faire un petit tour de table pour savoir comment vous avez connu la GBA, comment vous l'avez achetée, quand vous l'avez eue, tout ça. Que chacun, comme d'habitude, parle de sa propre expérience, vite fait. Qui commence? Je vous commence. À toi, ouais, allez, c'est parti. Qui lève la main? Donc La GBA, j'en ai eu connaissance très probablement dans un Nintendo Magazine. Je bavais dessus, hein, littéralement. Elle est sortie, je l'ai eu peut-être pas Day One, mais pas loin, quoi. J'ai eu la version violette. C'est marrant parler du son. C'était Super Mario Advance, c'est ça? Il correspondait à Super Mario Bros. 2 US. Jeu de lancement. Oui. C'était un jeu de lancement. C'est ça, oui. Le Super Mario Advance 1, c'est Mario Bros. 2. Voilà, c'est ça. US. US. Oui, il est bien. Oui. Et le Mario Bros. 2 US de la version Super Mario All Stars. Voilà. Donc là, si vous êtes perdu, c'est normal. Mais c'est un jeu qui... Bah en fait, c'est ouf parce qu'à l'époque où il est sorti sur GBA, j'étais nostalgique de ce jeu de ma Super NES en fait. Et du coup, je l'ai vu, j'ai fait oh! Enfin, je prends ce jeu quoi. Ouais. La version GBA d'ailleurs n'est pas tout à fait identique. Il y a des différences de level design, il y a des choses qui ont été rajoutées, des collectibles. C'est pour ça. Rendre le jeu de gonfler un petit peu la durée. Il n'y a pas eu des rajouts sonores aussi, comme il le faisait souvent, comme des voix aussi, ce genre de choses. Ça, on pourra en parler pour celui-là, ça me dit rien. Ouais. Celui-là, ça me dit rien. Ça ne dit rien. Bon. Mais le jeu est excellent. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Et toi, Pelle, alors, puisque tu fais que parler. Oui, moi, je fais que parler. Hein. Je l'ai pris Day One. Hein. Je l'avais pris avec le F-Zero qui était dans le line-up, F-Zero Maximum Velocity. Ah. Je t'aime bien, Et, ouais. Et je le voulais parce que moi, la Game Boy, j'en profitais, mais elle n'était pas à moi, elle était à mon frère. Je parle de la première version, hein, noir et blanc. Et je voulais absolument jouer au jeu Game Boy, et du coup, bah, la Game Boy Advance, elle arrivait à point, parce qu'elle permet, comme elle était rétro-compatible, j'ai également acheté donc, mon premier jeu Game Boy avec, qui était le... c'était le Pokémon Argent. Donc, ah, voilà. Bien. Et est-ce que donc, j'ai pris... donc en Day One, j'ai eu la Game Boy Advance violette, la même que toi, moi, avec ouais. F-Zero, et puis Pokémon Argent. Et c'était excellent. Est-ce que tu faisais comme un de mes cousins et tu fais c'était quoi, c'était L et R au... non ou même n'importe quand pour passer pour... tes jeux en plein écran, tes jeux c'est ça mais oui je le faisais. Alors, je veux bien mais si mais c'est vrai, mais je le faisais et tu sais l'écran est tellement, enfin je veux dire il est pas grand, donc c'est... ça gênait pas tant que ça. Tu moi, ne fais plus partie de ce podcast. Voilà. C'était mais la ouais, question piège, je t'ai tombé dedans. Au revoir. Voilà. Mais c'est pas vrai, je le faisais quand même. Donc voilà. Donc je l'ai eu des one. En vrai, j'avais trouvé cette fonction, voilà, changer le ratio de l'écran. Et puis surtout, au démarrage, t'appuyais sur des combinaisons de touches. Et les jeux. C'était pas les jeux Game Boy Color, mais les jeux Game Boy normaux. Oui, changer cette prenais de des teintes différentes et tout. Putain, je m'amuse comme un con juste avec ça, quoi. Ah, bref. Mais dès le début, on en reparlera sûrement plus tard, mais dès le début, quand je l'ai lancé, j'ai tout de suite compris les problèmes de visibilité quand ah ouais, avec bah la luminosité. C'était vraiment assez difficile. Mais bon. Bah, difficile, oui et non. Quand tu sortais de la Game Boy, hein, tu savais quoi faire. Hein. Bah ouais, mais moi je l'avais pas eu la Game Boy. Tu vois. Ah, moi oui. Donc. Enfin, mon frère l'avait, j'en profitais aussi. Mais je veux dire... tu faisais les strats que tu faisais quand jouais dans un endroit éclairé, jouais près de la lampe. C'est ça. Ouais, ça faisait rager, puisque tu te dis une nouvelle console, et ils sont pas fichus de mettre un rétroéclairage. Voilà. Mais je trouvais que son design GBA première version était très joli quand même. Hein. Moi, non, je le préfère à la GBA SP. Ah oui, oui. Mais on reviendra plus tard. Ouais. Bah toi, vas-y d'ailleurs. Oui, vas-y. Ben moi, je l'ai eu quasiment à la sortie, mais le truc dans tout ça, c'est que je l'ai même pas payé. C'est un pote à moi qui me l'a filé. Ah oui, c'est un super cadeau. Ouais. Oui, je l'ai toujours, hein. C'était la transparente en fait. Et la Game Boy, ah ouais, la squelette. Et donc je l'ai pas acheté quoi. Vas-y, tiens, joue, d'accord. Et en fait, il l'a jamais récupéré. Donc j'ai gardé et j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mon premier jeu, je crois que c'était le Castlevania. On va voir un mec débarquer dans le chat en mode ah, je suis le pote de Bozik et j'aimerais bien le récupérer maintenant. Non, ça m'étonnerait, mais... impossible. Ah non, mais il savait, voilà, quoi. Il me l'a laissé, il jouait pas, vas-y, tiens, prends. Castlevania, donc Circle of the Moon, le premier. C'est celui-là, ouais, c'est le premier. Ah oui, le Circle of the Moon. C'était bon, bah, il mon fallait bien que ce soit Castlevania. Hein. Mon tout premier Castlevania. Et j'en garde un excellent souvenir. Pas tellement de ce Castlevania-là, mais de la console en général. J'adore la GBA, console que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toi, monsieur Chou, alors ? Ah, le 22 juin 2001, t'inquiète pas. Ah oui, comme... Je passais mon bac français, et comment dire, dès l'instant, en fait, je suis sorti de l'épreuve, j'ai un de mes cousins qui devait venir me chercher là où je passais l'épreuve pour me ramener chez moi. Il m'a dit, je te dépose où ? Micromania, au champ. Ouais, mais c'est pas sur la route, je m'en fous, c'est là où je vais. Du coup, j'ai fait Apple Forcing, je crois, une mémoire, je sais plus, je crois que j'avais précommandé la console ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, mais je l'avais eu au lancement avec F-Zero et Kuru Kuru Kurin et Castlevania que j'ai acheté deux semaines après, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais, toi, t'as eu la totale. Quoi. Bah, en fait, j'avais acheté. C'était mes parents qui avaient payé la console, les deux jeux, à savoir F-Zero et Kuru Kurin, j'avais payé avec mon pognon. Et comment dire, mon anniversaire tombait un mois après, quasiment un mois après le lancement de la console. Donc de mémoire, je crois que j'ai eu Castlevania pour mon anniv ou un truc comme ça. D'accord. Donc voilà, disons que l'été 2001, j'ai eu de quoi faire, quoi. Disons que l'été 2001, des piles, j'en ai bouffé. Et ouais, le problème de lisibilité, moi, c'est un truc qui m'a longtemps, comment dire, presque empêché d'y rejouer, quoi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai racheté une SP par la suite et que j'étais un peu dégoûté, parce que la SP, en termes de... pour jouer, c'est pas super pratique. À jouer... Sauf si t'as des mains d'enfant, l'ASP, c'est compliqué. C'est... Mais bon, on y reviendra. Oui. Et moi, je vais faire la vie d'un petit canard ce soir. Ouais, quoi. Vas-y. Ouais, je l'ai déjà dit, j'ai toujours extrêmement dédaigné les consoles portables parce que pour moi, je n'avais aucun intérêt de jouer sur un écran minuscule alors que vous pouvez jouer sur une télé. Et donc, sur le coup, moi, j'ai commencé les consoles portables avec la DS Lite. Donc, je n'ai jamais eu de GBA lorsqu'elle était active. Ce qui ne signifie pas que je n'ai pas joué à la GBA, puisque la GBA a une très grosse particularité. Je pense que c'est la première console qui a vécu en même temps qu'elle a été émulée à la quasi-perfection. C'est-à-dire que moi, je jouais à la GBA sur mon ordinateur avec Visual Boy Advance, et j'attendais que les jeux sortent, qu'ils soient dumpés, et y jouer avec GBA. Donc on a perdu ce soir deux membres du podcast du collectionneur. Oui, c'est ça. Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ils seront remplacés par deux stars du Twitch Game, histoire de faire voilà, du pognon. Alors justement, comme tu as dit, monsieur Chou. Oui, juste comme tu as dit, monsieur Chou, rapidement, donc la console est sortie le 22 juin 2001 en Europe, elle est sortie en mars 2001 au Japon. Ce n'est pas la première console 32 bits Nintendo, on le rappelle, puisqu'il y a eu avant le Pop Virtual Boy. Voilà, paix à son âme. Et donc, c'était voilà, Nintendo cherchait absolument à redresser la barre après cet échec assez épuisant. Et comme tu l'as dit, donc, la Game Boy Advance est sortie avec un gros avantage, son ergonomie, et un gros inconvénient, son écran. Oui. Inconvénient, on l'a déjà dit, ça fait partie aussi de mon, j'ai souvent dit, mon seul grief vis-à-vis de la Neo Geo Pocket Color aussi. Oui. C'est le fait de sortir un écran qui a une jolie définition, en couleur, très agréable, mais de ne pas mettre de rétroéclairage. Enfin, après, c'est tout le problème de la technologie de la technologie d'écran qui s'appelle technologie TNT, TFT plutôt, TFT, oui. Pour film transistor ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais même pas si c'est possible de foutre un rétroéclairage sur ce type d'écran. Voire même un éclairage frontal. En fait, si, il y a des modes de GBA où tu rajoutes juste des panneaux de LED, en fait. D'accord. Et ça marche. Alors, c'est peut-être moins bien qu'un écran prévu pour à la base, j'en sais rien. Hein, ouais. Mais voilà. Il y avait ce choix aussi, hein, cette volonté de Nintendo qui était en mode, oui, mais nous, elle consomme que deux piles, elle est pas chère, elle consomme que deux piles qui vous dureront pas mal de temps. Hein, les autonomies c'est vrai, effectivement, ils mentaient pas sur le truc, ça durait pas mal de temps. Et les autonomies des consoles jusqu'à la Game Boy, la DS aussi, je crois, c'était autre chose que les 3DS et Switch de maintenant. Quoi. C'est clair, hein. Mais bon. 15 heures d'autonomie. Et à côté, tu avais, bah oui, par exemple, une des itérations de console avec écran rétroéclairé, la Game Gear, et bah, l'autonomie, voilà. Ça n'était pas une console portable, la Game Gear, c'était une console transportable. Transportable, ouais, parce que c'est comme l'ordinateur de Chirac dans les guignols, c'est un transportable. C'est ça. L'autre particularité de l'écran de la Game Boy Advance, c'est son ratio. On va avoir l'occasion d'en reparler. Oui. Puisqu'on a, on a un ratio de 1,5. C'est ça, c'est une 3,5. Qui se situe pile poil entre le 1,33 du 4 tiers et le 1,67 du 16 neuvième. Ratio 3,5. Et donc, outre le fait qu'il y a à peu près la moitié des streamers de la Terre qui ne streament pas la GBA dans son bon format, ça veut dire que les jeux qui vont nécessiter des adaptations comme... les Mario dont on va parler ou Donkey Kong vont devoir être recadrés, entre guillemets. Et ça va poser problème. Et là, c'est le drame. Voilà. On aura l'occasion d'en parler, puisque donc la Game Boy Advance a eu vraiment deux grosses catégories de jeux. Les jeux qui étaient prévus pour elle et les jeux qui étaient juste des adaptations de jeux Super Nintendo. Voilà, elle a eu beaucoup d'adaptations Super NES. Ou NES aussi. Oui, parce qu'ils ont fait les NES classiques aussi. Ouais. En tout cas, au niveau, pour en continuer vite fait avec le hardware, Nintendo va très vite remplacer, entre guillemets, la Game Boy Advance avec la Game Boy Advance SP, où on va avoir droit à un écran rétroéclairé. Ça, c'était la révolution pour moi. Voilà. L'écran était fantastique. L'autre gros point positif de la GBA SP, c'est son design. On pouvait régler la luminosité aussi. Ouais, Il y avait plusieurs niveaux de luminosité. Son design était fantastique. Le design à clapet, comme ça, c'était une super bonne idée. Ah, oui, parce que c'était les Game & Watch doublé dual screen, hein, en fait. Hein. Bah, c'est la première console. Tu pouvais la mettre dans ta poche. Enfin, je veux dire, non, tu pouvais les autres, hein, mais celle-là, tu la mettais dans ta poche et ton écran, ils ressortait. Juste oublié les bien. Gens qui avaient des mains un peu normales. Mais le problème, voilà, c'est qu'en termes d'ergonomie, ça se complique. Moi, j'étais un gamin. Qui ai des mains plutôt petites, c'est compliqué à jouer. Ouais. Moi, c'est vrai que l'ergonomie de la première était quand même bien. Elle était terrible. Ah, c'était. Bah voilà, en fait, la première a été excellente et la deuxième. Bah, en fait, moi, ça m'a jamais posé trop de problèmes. Je pro, mes mains ça allait bien. Par contre, quand j'y rejoue maintenant, effectivement, à la GBSP. Ah, mais moi j'ai essayé de rejouer, c'est très très compliqué de faire des concessions. Et Nintendo transformera l'essai, parce que chez Nintendo on fait pas les choses à moitié, en sortant en dernier lieu la Game Boy Micro, qui gagnera encore une fois la guerre du design. Elle est superbe, l'écran est à tomber. Oui, mais honnêtement, c'est injouable sans avoir des crampes. Mais l'écran est ridiculement petit, c'est intenable dans les mains. Enfin, c'est juste une prouesse technique, mais rien d'autre en fait. Quoi. Il y a pas d'intérêt à jouer là-dessus. Enfin, le problème, c'est un peu comme le problème, c'est les boutons LR. C'est que finalement, quand tu dois appuyer sur le bouton B et sur le bouton R en même temps, ta mère se met à faire des trucs, elle te dit non, je peux pas comme ça, c'est pas possible. Et vous savez quoi? Ah bah c'est pareil avec les Joy-Con. Oui. Ah, c'est pas d'ailleurs, je suis sûr qu'un Joy-Con c'est à peine plus grand que qu'une Game Boy Micro. On compare. Ah, quoi que, tant. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Mais honnêtement, la Game Boy Micro reste un très très bel objet aujourd'hui. Enfin, oui. C'est vraiment. Ah ouais, tu la mets dans une vitrine et tu y touches jamais, c'est parfait. Ben ouais, ben en fait, moi j'ai même pire que ça. J'ai la Game Boy Micro édition collector Famicom. Oui, elle est magnifique celle-là. Donc, non seulement voilà, j'ai déjà pas envie de toucher à ma Game Boy Micro, mais en fait, quand je la vois dans sa boîte, non. L'autre GBA Micro qui est pas mal recherché, c'est la Mother 3. Si. Ouais. Ouais, non, mais ça. C'est bon. Et donc la Game Boy Micro en plus commet un dernier sacrilège, celle de ne pas réitérer la rétrocompatibilité Game Boy. Ouais. Ah bah oui. Voilà. Bon. Ouais. Déception, même si on comprend l'idée d'avoir un truc qui dépasse de la console plus grand que la console elle-même, c'était un peu. Voilà. Mais j'ai pas dire lisibilité, mais l'écran de la Game Boy Micro, il est juste magnifique. C'est juste qu'il est trop petit. Ouais, c'est ça, il est tout petit. Non, mais en fait, c'est pas fait pour jouer, quoi. Bah ouais, c'est dommage pour une console. Si t'as un enfant, ouais, honnêtement, je pense que tu peux jouer. Si t'as un enfant, tu laisses pas ça. Mais je crois qu'en plus, il va manger. Tu vois maintenant les tailles des écrans des Nintendo 3DS XL et tout, on est tous habitués à ça. C'est vraiment difficile de revenir sur un truc pareil. Hein. Vraiment. Bah, disons, avant les arrivées des premiers smartphones, il n'y avait pas vraiment trop d'appareils qui disposaient d'un super écran sur lequel tu pouvais faire 100 milliards de choses à la fois. Ouais. T'avais quoi? Des PC portables, des PDA, des choses comme ça? Et de l'autre côté, les consoles portables, ouais. Et enfin, on va rajouter la dernière manière de jouer à la DS, à la GBA justement, de manière portative, via la rétrocompatibilité avec la DS et la DS Lite. Où là, sur le coup, on combine un écran de bonne qualité, une ergonomie tout à fait potable. Ouais. C'est une bonne façon. Il y en a ce qu'ils font, ce qui se fait beaucoup, c'est que les DS et DS Lite, leur défaut, entre guillemets, c'est les charnières. Hein. Oui. Et t'as des consoles, ils tiennent même plus. Il y en a, ils recyclent ça, l'écran du haut s'est barré, et ils les recyclent en Game Boy Advance, quoi. Oui, totalement. Ça rend bien, hein. C'est cool, hein. En fait, le problème de la Game Boy Micro est. C'est un très bel objet. Le problème, c'est par qui ça a été utilisé majoritairement. Ceux qui ont des petites mains, donc forcément des gamins. Donc quand t'en trouves une en brocante ou en magasin, elles sont explosées. Elles sont explosées. J'en ai rarement vu en magasin. Ben, moi, il y a un moment donné, je voyais beaucoup tourner à un moment donné le modèle rose. Bon, après, on aime ou pas la couleur, c'est pas la question, mais. À chaque fois, je me disais, ah tiens, le prix est intéressant, je regardais la console. Oh, d'accord, ok. C'est à l'impression, en fait, ils l'ont attaché à 3 mètres de corde et ils ont couru très vite dans les graviers, quoi. C'est quand même aussi un problème avec le modèle SP, hein. Oui, aussi. Il y a oui. des coques de modèle SP, des fois. Moi, j'ai vu notamment le limité Zelda, oui, où le logo, il n'y avait plus de logo dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voire même, en fait, certains modèles de SP, tu as une déco, en fait, dans l'intérieur de la console quand tu ouvres le clapet. Et tu vois, en fait, que tu as des marques, en fait, de sudation, en fait, des pouces. Tu vois, en fait, deux traces de pouces, en fait, au niveau de la croix qui vont, et au niveau des boutons qui vont de la croix et des boutons vers les extérieurs. Et tu vois carrément qu'il n'y a plus de peinture, quoi. C'est même assez drôle à voir, quoi. C'est horrible. Ça pour dire que la Game Boy Advance a connu un total de 1510 jeux, tout territoire confondu. Alors, je me rends pas compte, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est balèze, hein. Balèze. La Mega Drive, c'est quoi? C'est 800 et des bananes, je crois. Ouais. La 64, là, il y en a à peine 400. Je les ai tous comptés. Je crois que la PS1, c'est l'une de celles qui a le plus de jeux. Ça doit être énorme, la PS1. Ouais. PS1, PS2 aussi, ça devient énorme. Après, les consoles modernes, maintenant. Là, on explose complètement, mais parce que t'as 40 jeux indés qui sortent par jour. Donc. Ouais, c'est et ça. Tout ça pour dire que, bon, évidemment, on va pas parler de chaque jeu sorti ce soir. Ça va être compliqué. Ouais, ah oui, impossible. Sauf si on veut faire 254 podcasts, quoi. Et peut-être commencer à parler, on a commencé à en parler, donc parmi les premiers jeux sortis avec la console, une des spécialités, entre guillemets, de la Game Boy Advance, c'est de ce que Nintendo a décidé de faire, c'est l'adaptation des jeux Super Nintendo. Oui. L'idée, c'était que vous aviez la Super Nintendo dans le creux de votre main. Ils auraient pu s'abstenir. Et après, je voyais la Game Boy Advance vraiment comme une Super NES plus, parce qu'en fait, donc, elle adaptait ses jeux, mais elle n'avait pas de problème de limitation de couleur, hein. Je crois que c'était surtout ça la différence d'un point de vue technique, non? Je crois pas que ça changeait grand chose, si. Non, justement, ça changeait rien, mais je veux dire, elle était beaucoup plus tranquille pour tout ce qui était affichage et tout ça, quoi. Enfin bref. D'accord. Le processeur était quand même beaucoup plus costaud qu'une Super Nintendo. Mmh. Ouais. Le problème, c'est, comme on l'a dit, un des problèmes, c'est, comme on l'a dit, le ratio de l'écran. Qui fait que les jeux Super Nintendo devaient être recadrés, entre guillemets, et donc il manquait une partie des informations à l'écran. Pour certains jeux, ça n'a jamais réellement posé problème, notamment c'est le Tales of qui était sorti sur Super Nintendo, Tales of Phantasia, qui était ressorti sur Game Boy Advance, ou des jeux comme les Final Fantasy, où on est dans du RPG, ça pose pas trop de soucis. Par contre, dès qu'on commence à parler de jeux de plateforme, ça pique. Voilà. Et je pense que le jeu qui démontre le plus à quel point ça peut être problématique, c'est le fameux Megaman and Bass, Rockman et Forte, bah en japonaise. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est un jeu qui est dur. dur. Et quand tu vois en plus pas tout l'écran... Mais alors justement, moi, ça m'évoque un petit peu ce qui était arrivé déjà sur Game Boy la première avec les Megaman aussi. C'est le fait que sur Game Boy, les Megaman, ils avaient été entièrement retravaillés. Hein. Ouais. Ouais, mais je veux dire, l'écran étant, le personnage était d'assez grande importance, tu sais, dans le point de vue taille et tout, et que limite, le personnage tendait le bras, il touchait l'autre côté. Enfin, j'exagère. Quand même. Non, mais c'est vrai, il était vrai, t'as raison. Après, c'était les mêmes problèmes, en fait, Beyond, que t'évoques avec la Game Boy Advance. C'est ça, dans le recadrage. Oui, le souci majeur du recadrage, c'est qu'on ne voit pas tout ce qu'on voyait avec les versions originales. Ça. Voilà, ouais. Rayman sur Game Boy Advance. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'ai. je l'ai acheté il y a un an et quelques. Je me suis dit, ouais, trop cool, Rayman. En plus, c'est quand j'avais acheté ma GBA modée. Je me suis dit, ouais, tranquille, pouvoir jouer à Rayman. Et comme tu dis, avec les jeux plateforme. Tu fais quoi, les 8 premiers niveaux, un truc comme ça va? Puis dans Rayman, il est quand même connu pour avoir quand même un gros pic de difficulté à un certain endroit. Et il y a un endroit, en fait, la façon où le jeu est recadré, à moins de faire un saut au pif et d'y arriver du premier coup, il y a un stage, en fait, quand t'arrives là, tu te dis, putain, en fait, le jeu, c'est vraiment pas fait pour la GBA, en fait, c'est terrible. C'est terrible parce que le jeu est beau en lui-même, il est vraiment pas moche, mais voilà, c'est pas très jouable. Et j'imagine mal certains jeux comme Donkey Kong Country là-dessus. Je les ai en plus, hein, mais j'y ai jamais joué. Alors, c'est des jeux que j'ai dans ma collecte sur GBA. Mais... Les Donkey Kong Country font partie des plus gros carnages, entre guillemets. Ah, je me doute, oui. On va être clair, n'achetez jamais les Donkey Kong Country sur Game Boy Advance. Alors, c'est un carnage. Maintenant, il faut les trouver. Par contre, moi, de mon souvenir, par exemple, le Mario Advance là, et Mario World, par exemple, j'ai eu aucun problème. Ouais. Alors que Mario Bros. 2, il y a vraiment des moments où tu vois pas tout ce qui se passe, et en particulier, il y a beaucoup plus de mouvements, de mouvements verticaux. De l'écran. Ouais, mais. Bon. Le Mario sur lequel ça pose le plus de problèmes, c'est Yoshi's Island. Ouais. C'est logique. Ça pose problème pour plein de raisons, Yoshi's Island, par contre. Oui. Ouais. Mais c'est logique, puisque l'écran étant plus petit, enfin la scène étant plus petite, forcément que t'as moins de temps pour être prévenu du danger qui va t'arriver. C'est juste ça. Hein, Yoshi's Island, il y a les musiques aussi qui en prennent un coup dans la gueule. Et donc, l'autre problème de la. Je vais venir l'autre problème de la Game Boy Advance par rapport aux adaptations de la Super Nintendo, c'est le chipset sonore. Et alors, je ne sais pas comment ils s'y sont pris, je ne sais pas. Ils ont juste de manière bourrine pris les sons de la Super. Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait. Alors, je me trompe peut-être, mais étant donné que tu as deux processeurs dedans, tu as le processeur ARM qui, qui lui gère en fait la partie 32 bits, on va dire, de la console. Mmh. Mais pour la rétrocompatibilité, tu as dedans toujours El Famoso, Zilog 80 ou le Z80. Et je pense en fait que c'est peut-être en fait les sons du Z80 en fait qui. Et à mon avis, c'est ça. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça, quoi. Mais c'est terrible. Voilà, en gros, toutes les adaptations de jeux Super Nintendo qui ont été faites, on a l'impression, enfin, brut de pomme, genre pris de la Super NES et mis sur la GBA, souffrent de la comparaison. C'est valable pour les Mario, c'est valable alors d'autant plus pour les Final Fantasy. Et comme on en parlait, sachant qu'en plus FF6 est la seule version française officielle du jeu sur console. Et très bonne trad aussi, d'ailleurs, au passage. Avec une excellente trad, malheureusement, la partie sonore. C'est pas que ça, elle avait des ajouts en plus, hein, comme des invocations et puis une tour supplémentaire à la fin. Ce qui n'est pas le cas de Tales of Fantasy. Hein. Ouais. C'est juste un rendu grisillant en fait. Hein. C'est ça hein, le criard. Ça dépend. Tales of Fantasia, ils ont carrément supprimé la chanson de. Ah bah oui, c'était une question de droit ça. Ouais. Mention spéciale à A Link to the Past. Ça m'a jamais posé de problème de jouer A Link to the Past sur GBA. Par contre, ils ont rajouté les bruitages de la 64. Crois que c'est 64, mais j'aurais presque dit Wind Waker. Mais oui, c'est les petits cris en fait. Ouais, oui, t'as raison. Les navires aussi, mais rien pour vous faire chier. Ouais. Il y a vu 9. C'est vrai. Je viens pas de ça. Mais enfin, bref, voilà. Mais bon, ça pose problème si t'as connu les originaux, je trouve. Parce que sinon, ça va, c'est pas. Bah, disons qu'il y a eu la plupart restés des bons jeux. Voilà. Il y a certains, Yoshi's Island, Rockman et Forte, où c'était problématique dans le sens où ça rendait les jeux d'une difficulté presque intenable, en particulier pour 100% de Yoshi's Island. Mais il y a eu des catastrophes comme les trois Donkey Kong Country, qui, mis côte à côte avec les versions Super Nintendo, ressemblent plus à rien. Vraiment, il y a des vidéos comparatives qui existent. C'est pas bien. Mmh. Voilà. Le jeu est délavé, le jeu est. Ouais, ouais. Et reste un bon jeu. Voilà, c'est ça. Et par exemple, pour Super Mario Bros. 3, alors je crois que c'est le 4 sur Game Boy, enfin bref, ils ont carrément rajouté plein de niveaux. C'est plutôt sympa, hein, en vrai. Sympa. Alors après, tant qu'on est à parler du prost sonore de la GBA, un petit coucou à Mister MV qui nous a produit des bandes son sur GBA. C'est terrible. Crazy Frog Grasseur. C'est terrible. Il y en a un autre, je crois qu'il y a un jeu ID ou un truc comme ça, si je me souviens. Un jeu Maya l'abeille. Voilà, c'est ça, voilà. C'est terrible, il est connu que pour ça, alors qu'il a fait d'autres trucs. Quoi. Mais non, attention. Il a fait Bokida il n'y a pas longtemps. Il fait des trucs de qualité, et à un moment donné, c'était un peu triste, parce qu'il était surtout connu pour ça. Quoi. Je crois qu'il fallait qu'il mange aussi, quand même, à un moment. Oui, mais après, il n'y a pas de puits, il me semble. Attention, Le pire, c'est quand tu vois la saloperie de tracker avec laquelle il devait travailler, je crois que ça s'appelait MusiX, moi, un truc comme ça. Je connais parce que j'ai des amis, comment dire, qui font de la chiptune et qui utilisent ce genre de truc. J'en ai parlé avec eux il y a quelques temps, c'est... Mais il y a des gens comme... c'est qui? C'est Jake Kaufman aussi, je crois. Jake Kaufman, qu'on fait, qu'on fait des trucs chelous sur GBA aussi. Enfin, oui, voilà, mais je pense qu'il a même, il a même travaillé avec lui. Oui, oui, bah, donc faut pas... Il faut pas faire un trip nul, je sais plus où, si, il me semble bien. Pour la convention, ouais. D'une part, donc la vidéo YouTube des comparatifs des deux versions, donc juste côte à côte, brut de pomme, sans filtre, pour voir la différence. Et en même temps, on va mettre un petit thread de Twitter très intéressant sur le chipset sonore de la GBA Pell. C'est maintenant que tu devais parler. Oui, oui, voilà, bah, c'est la Fanny Rebillard, hein, qui est donc musicologue de son état, quoi, qui a fait un petit thread sur le son Game Boy Advance. Donc elle s'y connaît, hein. Elle étudie tous les sons en rapport avec le jeu vidéo, et donc elle en parle vraiment en détail, en fait, toutes les spécificités de la machine. Donc voilà. Parce que, voilà, le truc que le chipset sonore de la Game Boy Advance, c'est que lorsqu'il était bien utilisé, bah, c'est un petit peu le même, on dirait la même chose qu'avec la Mega Drive. Hein. C'est ça. C'est que... Il y a 2-3 petits jeux qui restent, comme au hasard, les Golden Sun. Ou... Non, mais après, ça, c'est parce que c'est Fes Clavier qui a fait une... Même Pardon ? Les Castlevania, hein, franchement. En fait, non, parce que pour avoir acheté les CD originaux, ouais. Les musiques GBA, c'est pas super écoutable. Ah ouais, moi, ouais, mais... Pas du tout, oui. Moi, jamais nous dit Metroid, et je pense aussi à Minish Cap. Minish Cap, ouais. Bah, Minish Cap, là, il n'y a pas d'ambiance. Ah, Minish Cap est absolument fantastique, oui. Minish Cap, oui. Ça t'intéresse. La musique de la forêt. Oh là là, la même. Les GBA, elles sont pas mauvaises en soi pour les jeux qui ont été développés pour la machine. Ouais. Dès l'instant où tu as des portages, ça devient vraiment, vraiment problématoire. Mais bon. Problématique plutôt, je suis fatigué, j'ai du mal à parler. moi j'ai bien aimé les musiques de Castlevania. Ah, mais je dis pas qu'elles sont mauvaises, mais malheureusement, tu sens que derrière il y a de la compo, mais que c'est limité par le chipset. Ouais. C'est ça qui est dommage. Et tu le ressens moins en fait quand tu joues au jeu, parce que tu joues, t'as le jeu avec, t'as les images, que quand tu les écoutes à part. Ouais, oui, ça par contre, je suis d'accord. Dans la catégorie musique vénère aussi, les musiques des Mega Man Zero. Hein, La quadrilogie Mega Man Zero aussi. Ah, elles envoient du steak, les musiques. Les jeux envoient du steak aussi. On a parlé beaucoup de musique là, mais. Mais il faut parler des jeux, parce qu'il y en a des centaines. Hein. Voilà. Les jeux, on va essayer de trouver des jeux exclusifs. Enfin, déjà, bon, commençons par le début. Le premier que j'ai cité, juste pour éluder rapidement ces deux-là. Golden Sun 1 et 2. Oui, qui sont des petits bijoux. Hein. Ouais. Voilà. Ils sont inattaquables. Je suis le seul qui n'ait pas aimé Golden Sun. Nous avons un troisième membre qui quitte le podcast. Putain, c'est terrible. en fait, à la fin de journée, à la fin de la soirée, en fait... Ça va continuer, mais avec une toute nouvelle équipe, en fait. En fait, c'est un Battle Royale. Alors, il faut quand même préciser, pour les Golden Sun, c'est l'équipe d'origine des Shining Force. Hein. Camelot était en partie ceux qui ont justement fait les Shining Force, et on reconnaît un petit peu toute cette patte. Il suffit de regarder les menus du jeu. Et hein, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai presque envie de dire. C'est ça. J'ai envie de dire, ouais. Tu regardes la jaquette du jeu, enfin le chara-design. Oui, voilà. c'est ça, c'est les mêmes graphismes, c'est les mêmes menus, t'as raison. Hein, avec tout est disposé de la même manière, surtout pour beaucoup de références avec Shining Violi Arc hein, sur Saturn, qui est très ressemblant. Et vraiment un super jeu. Quoi. Et la première fois où je ne. Comment dire ? C'est une des rares fois où, quand j'ai fini un jeu, j'avais le sentiment, je me disais, mais mon jeu, il est cassé, j'ai pas fait un truc qu'il fallait et tout, parce que bah, le premier Golden Sun, il se finit en mode... En mode te pue. Ah bah t'as fini l'intro, maintenant on part à l'aventure, et en fait... Ah mais c'est total, en c'est fait, totalement ça. J'avais pas compris, tu sais, après c'est pas que j'avais pas compris, mais après il y a eu deux d'annoncés, et j'ai dit, ah d'accord, c'est une suite en fait. Parce que ça se finit vraiment... C'est pas une intro non plus, je veux dire. Non, mais non, bien sûr, mais tu sais, t'as ce sentiment de dire, merde, oui. Elle est où la fin? Alors qu'en vrai, bon, bah, t'as déjà. Enfin, moi, j'ai passé plus de 100 heures sur le jeu, donc c'est pas, je me suis pas senti volé, mais j'étais là en mode, mais, la fin. Bah, par contre, c'est vrai, en fait, ce sentiment-là, il s'accentue dans le fait que le 2 est vraiment plus long en plus. Hein, plus de choses à faire, c'est vrai. Ouais. Incroyablement long, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que. Alors, moi, c'est même pas ça, mais qu'est-ce qui ne t'a pas plu, Boss Dick, dans Golden Sun? Je me suis fait chier. Aussi, mais. Ça va pas plus loin. Le jeu, techniquement, il met la GBA à genoux. Musicalement, oui. Sakuraba, il fait du bon travail. Mais je me souviens, les persos, je les trouve insipides. Le jeu est réputé pour être particulièrement lent et verbeux aussi. Oui, je me suis fait Alors, chier. Oui. Ouais, mais je comprends Je venais de me taper Star Ocean 2 en long, en large et en travers. Oui. Je passe à Golden Sun, deux salles, deux ambiances. Mais tu sais, dans Game Boy, dans Golden Sun, j'ai l'impression même que le scénario passe en second plan parce qu'il y a tellement d'énigmes et de solutions à trouver pour quitter un tableau que tout le jeu est basé là-dessus, en fait, essentiellement. Moi, je me suis fait chier. Je peux pas dire que c'est un jeu nul, c'est pas vrai. Ouais. Il est pas nul. Il sera jamais nul, Golden Sun. Mais putain, qu'est-ce que je me suis fait chier. Moi, j'aimais bien. C'est fini. J'ai fait, ouais, c'est bon, stop, plus jamais, quoi. Okay. D'accord. J'ai même pas touché aux deux, c'est pour te dire quoi. T'as dit les systèmes. Envie de continuer. Système de synergie, pouvoir lier tel ou tel jean et ça fait des classes différentes sur des persos et tout. Je trouvais ça plutôt intéressant comme système. Oui, c'était cette recherche d'avoir l'invocation la plus grosse aussi. Ah oui, c'est ça. Hein dans le deux, ils ont mis la max en plus sur les invocations. C'était fort. Non, parce qu'après quand tu vois le jeu techniquement comment il est. Ah oui. Tu te dis, ah ouais, c'est qu'une petite console portable, quoi. Après, tant qu'on parle de la GBA, on ferait bien aussi de parler, peut-être évoquer brièvement la collection NES Classics qui était sortie. Voilà, c'est... Oui, ouais, j'en avais parlé. C'est vrai qu'il y a eu des jeux NES. Alors là, j'ai jamais touché. Alors ça, bah moi, je les ai, les deux Zelda, par exemple. Mm-hmm. Il y avait quoi? Il y avait Kid Icarus aussi, non? Alors attention, il y a des line-up différents pour l'Europe, les États-Unis et le Japon. D'accord, ils n'ont pas fait pareil. C'est quoi? C'était avec les jaquettes spéciales noires et rouges là? Voilà. C'est ça. Ouais. J'en ai vu passer plein, mais j'en ai jamais touché. Ah, okay, enfin. Moi, le seul que j'ai, il me semble, je peux me tromper, c'est un portage Famicom Mini de Dig Dug. Bah, ils l'ont fait. Qui est dans la deuxième série, parce que nous, en fait, on a eu que deux séries. Je crois au total, il y a quoi? Il y a 3, 6, 8, allez, 12 jeux, un truc comme ça. Par contre, au Japon, une bonne quarantaine de titres, je crois, de mémoire. Déjà, à l'époque, Nintendo avait tout compris. Ah bah carrément, carrément. C'est et les, attention, je sais pas exactement comment sont les boîtes des classiques NES, mais les boîtes des jeux Famicom Mini, elles sont excellentes. On a un emballage, en fait, en plastique un peu transparent, et à l'intérieur on a une repos du une mini mini mini boîte en carton qui est tout pile la taille en fait de la cartouche GBA en fait. Donc non, les packaging européens, c'est les boîtes de taille la même chose que les autres, sauf qu'ils sont noirs. Voilà, noir avec une bombe sur le côté, c'est moins appliqué. Il y a eu 30 titres au Japon en total. 30 titres, d'accord. Mais les packaging Famicom Mini sont absolument magnifiques. Vous avez l'occasion de voir ça, c'est vraiment quelque chose. Et attention, Jean-Michel Collectionneur, Nintendo, via le club Nintendo, avait proposé au Japon des espèces de classeurs. Oui, effectivement. Vides, dans lesquels il va falloir mettre chaque jeu. Game Boy Advance, Famicom Classic à sa place. Ouais, je savais pas. Je vous n'imaginez même pas combien ça coûte aujourd'hui. Eh ben, attendez, j'en ai vu passer un il y a pas longtemps. Juste le classeur. Je vais vérifier. J'en ai vu passer un il y a pas longtemps. Ouais. Et j'en vois passer régulièrement sur les sites d'enchères japonais. Mais c'est en Europe, c'est quelque chose qui est très très très recherché et qui vaut généralement très cher puisque les au Japon aussi, ils sont pas donnés. Ils allaient vendre avec complet quoi, avec tous les jeux dedans. Chaque jeu à sa place. Ah oui, d'accord. Et le truc, oui, cette série Famicom, c'est sympa, mais c'est vraiment le portage NES brut de pomme. Ouais. Le jeu NES. C'est vrai, le NES. Hein. Ouais. Mais alors justement, parce que il n'y a pas de save state, il n'y a pas de rewind, il n'y a pas de... Oui, on n'est pas sur le travail, par exemple, d'un Sword of Mana, portée d'un point de vue par rapport au Mystic Quest, hein, tu vois, qui lui, sur Game Boy Advance, enfin visuellement il est somptueux aussi lui. Hein. Je l'ai en plus. C'est un Metroid Zero Mission. Encore, Metroid Zero Mission, pareil. Oui, c'est un remake aussi. Oh la vache, ouais. Et ben, le pixel est beau. Putain, il y a des jeux GBA quoi. Mais les deux Metroid, donc Metroid, ah ouais. Metroid 4, puisqu'il faut l'appeler comme ça, Metroid Fusion, et, ouais. Et Zero Mission sont deux excellents jeux. Je ne saurais même pas dire lequel je préfère des deux. Tellement. Bah, il y a. Voilà. Mais ils sont relativement différents parce que finalement, Metroid Fusion est plus un jeu d'action. Qui est d'ailleurs mon premier Metroid. Et ouais, Metroid Zero Mission, c'est vraiment, t'as vraiment plus de recherche, d'exploration. Bah, c'est le remake du premier, de toute façon. Donc, voilà. Pour situer, si aujourd'hui vous avez envie de vous mettre au Metroid en 2D, je conseille de commencer par Fusion ou Zero Mission plutôt que par Super Metroid. Parce que Super Metroid sera beaucoup plus compliqué en termes de progression que les épisodes GBA. Ah oui, c'est clair. Vraiment. Tout en restant faisable par rapport au premier sur la NES, mais ça c'est une autre histoire. Le Fusion, il y avait un lien possible avec la version Metroid Prime. Du coup, tu pouvais débloquer le premier Metroid. C'est ça. Il y a donc pas joué longtemps. Hein. Une des particularités de la Game Boy Advance, c'était de pouvoir servir de manette à GameCube via le câble Link. Et certains jeux ont profité de la chose. Donc, on avait notamment Animal Crossing qui permettait d'avoir accès à une île paradisiaque avec des loot. Ah oui, c'est on vrai. Avait dans Wind Waker Tingle qui nous indiquait les certains trésors. Crystal Chronicle aussi, non ? Oui, Crystal Chronicle. Crystal Chronicle qui se jouait un peu comme Force World, quasi exclusivement avec la Game Boy Advance. Et on avait donc ce link avec les Metroid Prime 1 et 2 où on pouvait débloquer des costumes dans les jeux et débloquer la version classique Metroid sur NES. Et c'était vraiment une bonne idée. Hein, je suis pas fan des costumes fusion par contre, mais bon. Bon, messieurs, j'ai trouvé. Hein. C'est une bonne idée, mais qui coûtait cher. Ah oui. Oui, donc, oui, voilà, ça demandait beaucoup de matériel. Les fameux classeurs, chaud. Alors, Famicom Mini Collection Box, les trois classeurs avec les jeux, actuellement aux enchères pour le prix de départ 240€, mais tu peux les acheter tout de suite pour 945,81€. Ma chère Maryse. Ils sont complets, il y a les jeux. Hein. Ils sont complets, il y a les jeux, ils sont en état nickel. C'est les trois. Les trois. Ils sont pas nickel parce qu'il y en a un, il a une trace de stickers dégueulasse dessus. Donc tu vois, pour un truc qui est pas en, comment dire, en état mint. Mais tu vois, je m'attendais à quand même. Oh, tu, quand même 1000 balles. Oui, tu payes les frais de port, le machin et tout. Si tu te payes la douane, on est pour un coup de 1300 balles. Hein. Ouais. Si c'est pas plus. Bah après, c'est comme d'hab. Hein. Ceux qui mettent ce prix-là, je pense qu'ils s'en foutent de la douane. Alors, je vais faire un truc, c'est par curiosité scientifique. Je vais suivre la vente, comme ça on verra bien à quel prix ça part. Je fais souvent ça en fait pour la curiosité scientifique et on verra bien. Voilà, c'est fait. Dis-toi Beyond alors le jeu. Mais, autre série, je voulais parler aussi de celle-là quand même, parce qu'on l'a tous connue, c'est donc les Castlevania. Magnifique. Donc Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow dans l'ordre. Alors que dire, le premier a d'excellentes mécaniques de jeu, mais quand on le regarde aujourd'hui, on n'a pas envie, premier abord. J'avais déjà pas envie à l'époque. Graphiquement, le premier, il accuse le coup, mais bien comme il faut. Et la maniabilité aussi. Il est un peu raide, il est un très, peu... Il est très raide. Oui, à l'époque, c'est ce qui m'avait marqué. Ça m'avait fait rager, le boss de fin... C'était mon premier Castlevania et j'aimais bien. T'as eu plein de premiers Sur GBA, ouais. C'est pour ça qu'il aime la console aussi. C'est pour ça que la GBA, laisse tomber, c'est presque au niveau de la Super NES, quoi. Non, mais ça se comprend. Hein. Ouf, quoi. Et j'aimais bien le système de cartes. Bon, bah j'étais un peu un loup en jeu vidéo aussi, hein. Et ouais, fusionner les cartes, enfin, avoir une carte d'éléments plus une carte de monstre pour pouvoir faire des attaques différentes et tout. J'adorais, moi, chercher le. Dans l'ensemble, je trouve que le jeu est bien, mais à l'époque, il m'avait fait rager parce que c'était très, très, très raide. j'ai mangé. C'est super frustrant. Quoi. J'ai mangé Marasin. Bah, j'avais déjà raconté cette anecdote, hein, mais le combat contre la mort, je l'avais fait en attendant que le Seigneur des Anneaux, la communauté des Anneaux, commence dans le cinéma. C'est pour ça, en plus, il y a des souvenirs là qui s'entremêlent assez, assez fort quand même. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu aussi. Hein. Après, Konami a sorti un jeu avec une réalisation bien plus intéressante avec Harmony of Dissonance, qui est ni plus ni moins que Symphony of the Night 2. Quoi. Ouais, bah clairement. Dans son déroulement, et en plus, le jeu, là, je l'ai sous les yeux, il est dans sa boîte. Et tout. Dans la démarche de son héros, dans tout. Et ben... il est tellement Symphony of the Night 2 que il est beaucoup plus facile à finir que... que Circle of the Moon. Ouais, il y a le coup du château inversé. Ils ont adopté le côté RPG aussi, mais pur de Symphony of the Night. Là, pour le coup, c'est toutes les mécaniques. Bon, ils ont rajouté 2-3 trucs quand même, mais. Voilà, moi, Harmony of Dissonance, je l'ai déjà dit, c'est mon préféré des trois. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime aussi énormément. C'est un jeu que je fais régulièrement. Même si après. J'ai racheté sur Wii U aussi. Même si après, donc avec Aria of Sorrow, ils ont vraiment... Aria of Sorrow, c'est le premier qui représente la formule moderne, entre guillemets, qui sera réappliquée sur DS, et qui donne aujourd'hui le fameux Bloodstained. Le fait d'absorber les âmes. Oui. Les différents sets d'âmes, et la progression du jeu global d'Aria of Sorrow va donner vraiment... Aria of Sorrow est aussi très réussi. Le seul problème d'Aria of Sorrow, je l'ai déjà dit, c'est que le héros est une endive. C'est lequel ? C'est Soma ? Soma. C'est Soma Krov. Oui. Je suis désolé, je n'aime pas Soma, il n'y a rien à faire. J'ai essayé. On voit Lucard. Donc, Pelle, t'es pas là pour défendre Soma ce soir ? Il irait Pelle de toute façon. Bah oui, c'est ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, tout le monde les a connus, mais moi, j'ai joué à aucun Castlevania, la game. On te perd une nouvelle fois. Ouais. Mais je les ai pas connus. Non. Ah bah, c'est bien dommage, mon bon père. Ouais. J'ai découvert que les épisodes DS, oui, disons, bah, voilà, c'est tout. J'avais quand même joué au Super Castlevania 4, et puis au premier sur NES, mais c'est tout. Bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas joué à Super Castlevania. Ouais, voilà. J'ai pas joué à Super Castlevania. On vient de perdre Moa aussi. Voilà. Non mais voilà, ça bon, il reste plus que moi. Il reste plus chou, hein, le souci avec les trois Castlevania sur GBA aujourd'hui, ça va être le même problème entre guillemets que les Metroid, c'est que les prix commencent à monter pas mal. Et ils sont jouables que sur la machine ou alors en console virtuelle. Après, comme je l'ai dit, la GBA est parfaitement émulée. Oui, wink. Ça, évidemment, bien sûr. Et donc, il existe d'ailleurs un bipack qui est sorti avec Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow sur la même cartouche. Ouais. Il n'est pas commun à trouver. Lui. Avec une boîte dégueulasse, mais au moins, vous avez les deux jeux. Oui, mais c'était la boîte où ils faisaient pareil avec les trois jeux Ubisoft. Donc, ça. Ouais. Et donc, parmi les autres séries exclusives, tu l'as dit, moi, donc les Mega Man Zero. Qui sont sortis sur Game Boy Advance, c'est la série de 4 Mega Man Zero. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est juste cette saga là qui est juste moins connue ou je sais pas, qui a pas très bien marché parce que j'étais passé complètement à côté sur GBA. Mais genre complètement. La distribution occidentale était catastrophique. C'est-à-dire que même aujourd'hui, encore trouver les 4 épisodes, je les ai même pas les 4 en loose. Je crois qu'il m'en manque un sur les 4. Ouais, du coup, moi j'ai dû les faire sur la collection qui était sortie sur DS. Oui, qui elle aussi devient difficile à trouver, mais bon, passons. Par contre, c'est un truc de ouf, les jeux ils sont excellents. C'est des jeux d'action plateforme en 2D qui ont un gameplay ultra nerveux, à des musiques qui tabassent, le pixel art. Il est très bien réalisé et surtout le chara-design des boss, t'as des boss, mais ils ont des sprites, mais c'est un truc de ouf quoi. Bah, je pense qu'en pixel art, là, pour moi, la GBA, c'est celle qui a poussé le potard le plus loin possible. Ah, bah, ah ouais, Je pense mais je vais pas enchaîner sur un autre jeu parce qu'il y en a un, enfin il y en a plein des jeux comme ça en pixel art qui sont hallucinants. Ah non, mais c'est un truc de fou, hein. Il y a des trucs qui sont tellement beaux. Les Mega Man, je sais pas parce que Pell il a jamais joué au Castlevania GBA, j'ai jamais joué à Zero GBA. Ah ben, je te promets, les pixel art. Et le... Mais c'est la nervosité du jeu, le fait de jouer avec Zero et d'avoir justement bah, sa fameuse épée laser et son blaster, plus encore d'autres choses qui viennent se rajouter derrière. Et le jeu, on est d'accord que Megaman Zero adopte une structure beaucoup plus proche du Metroidvania que les anciens Megaman. Alors non, en fait. Non. Tu sélectionnes toujours tes missions. Oui. Au début, début tu te dis, tiens, ouais, ça a l'air plus ouvert et tout. En fait, non, c'était toujours des missions. Toujours semblé que c'était... D'accord. Pas vraiment, non. Et par contre, juste, petit disclaimer, le premier, il est pas dur. C'est le curseur encore au-dessus. Le premier, bon, il est sacrément vénère. Ça donne envie de jouer là tout de suite, tu sais. Ils ont rajouté un mode facile dans la version DS. Ouais. Le premier est vénère. En fait, tu sélectionnes tes missions et dans le premier, tu peux échouer une mission. Et tu peux plus jamais la refaire. Mais du coup, c'est problématique parce c'est que propre, tu pouvais avoir des tu pouvais avoir des récompenses qui pouvaient être cool. Enfin, tu vois, Non, mais c'est gentil. Et alors, il y a des missions où tu es obligé de pouvoir les réussir, hein, mais il y en a, tu peux juste les échouer et c'est fini, quoi. Il est dur, le premier est dur. Et par contre, le 2-3, pour beaucoup, le 3 est le meilleur. Ouais, tu m'as donné envie d'y jouer. Je suis plus ou moins d'accord. Moi, j'aime bien le 4 aussi, parce qu'il se rapproche vraiment des Mega Man X, en fait, le 4 dans sa structure. Mais le 3 est quand même très très bon. Enfin, ouais, je pense que le 3 est meilleur, objectivement, mais. Voilà, c'est une saga, ouais, si vous pouvez les faire, faites-les. Hein. Les jeux sont ouf. Ouais, bah je vais me mettre. Donc, oui, plutôt... voilà, oui. J'allais dire plutôt sur DS, et là je viens de taper Mega Man Zero sur DS, et je suis en train d'hyperventiler. Après, il y a les 4 d'un coup sur DS, hein. Une collection. Oui. Par contre, on a passé les 100 balles en version. Ah oui, oh merde, oh la vache. Et le problème, c'est que les 4 Game Boy Advance, aujourd'hui, les trouver, c'est compliqué, oui. Ouais, c'est très tendu. Oui, les derniers exemplaires en version PAL sont partis à une centaine d'euros. Ouais, bon, merci Monsieur Raspberry. Par contre, c'est les Megaman ZX qui prennent une tournure un peu plus monde ouvert RPG. Enfin, pas RPG. Ah, je les confonds, par exemple. Ouais, bah c'est écoute, pas RPG, mais voilà. T'es pas le seul visiblement. C'est sur DS. En fait. T'es pas le seul visiblement. C'est... Je me rends compte que, ouais. Voilà. Et c'est sur DS qu'ils sont sortis les ZX. Et la malédiction des ZX, c'est qu'il devait y en avoir 3. Et il y en a eu 2 parce que Inafune s'est barré. Et c'est terrible parce que le deuxième se finit sur un cliffhanger. Pardon, c'est pas ce nom, putain, mais non, désolé. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais voilà, enfin bref. Bon, finalement, en fait, il reste plus personne dans l'équipe, hein, je m'en vais. Et les ZX, du coup, bah ouais, le 2 se finit sur un cliffhanger de la mort qui tue, comme dirait l'autre, et on n'aura jamais la fin, et ça fait chier, en fait. Ça fait vraiment chier. Merci de vous aider. Bah après, merci Capcom aussi, hein, parce que j'ai bien compris. Non, mais tu dis ça et on pense à Inafune, moi ça me fera toujours rire parce que c'est Inafune, quoi. Mais bon, enfin bref. Non, mais tu as envie d'y jouer, donc. Les Mega Man Zero, ouais, je vous dis. Allez-y. Sur tous les jeux GBA qu'on a cités, gros, globalement, là, à part ceux où on a dit qu'ils étaient nuls. Je voulais juste faire une petite parenthèse rapide de Monsieur Sega qui passe par là. Moi, c'était un choc à l'époque quand même. La GBA, c'est la première console Nintendo qui a accueilli un Sonic. Et il en a accueilli 3 épisodes très bons, les Sonic Advance. Ouais. Si vous avez l'occasion, ils ne coûtent pas une blinde aujourd'hui. Ils sont très bons, les 3. C'est vraiment des super. Il n'y a pas eu Adventure 2 sur GameCube avant ? Si. Ou c'était après ? À même époque, non, le premier est sorti en décembre 2001, Sonic Advance. Donc, Oui. Ah oui, le donc premier, c'était avant. C'est très bien vendu d'ailleurs. Hein. C'est très bien vendu, 1 500 000. Et bah, c'est pas le premier vendu. Sonic à sortir hors d'une plateforme Sega, puisqu'on m'a dit qu'il y a eu Sonic Pocket, sur Neo Geo Pocket Color, parce que Sega avait un partenariat avec la Neo Geo Pocket Color au niveau de sa Dreamcast. Sonic X, mais par contre. Pour moi, c'était tout un symbole à l'époque de voir Sonic sur une console Nintendo. Voilà. Ah je te dis, je me suis un peu mélangé, mais quand j'ai vu Sonic Adventure 2 sur GameCube, j'étais bouche bée, quoi. J'ai fait oh. Alors, pour deux raisons. La première, parce que du coup, j'allais pouvoir y jouer. J'avais pas la même casse. Et la deuxième, c'était waouh! Ah bah oui. Sonic sur une console Nintendo, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on va se taper dessus à la récré pour Sega, Sibuk, Nintendo? Qu'est-ce qui se passe? Et là aussi, il y avait une interactivité avec la Game Boy Advance. Ouais. Hein. On pouvait élever ses petits chaos dans le jardin. Ouais, c'est ça. Et j'avais passé des heures dedans. Oh putain, j'adorais ça. Moi aussi, ouais. J'aimerais juste évoquer un petit jeu. Oui, vas-y. Mon un petit jeu, parce que moi, tu soulignais justement la maîtrise de la Game Boy Advance, le pixel art, hein, vraiment des trucs super beaux. Et ben moi, je voulais juste mentionner le petit Dragon Ball Advance Adventure. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le Beat'em All. Oui. C'est, à mon sens, le meilleur jeu Dragon Ball existant. Hein. Alors, je parle pas Dragon Ball Z, hein, je parle Dragon Ball. Hein. Mm-hmm, okay, Il est absolument fantastique visuellement, c'est d'une fidélité incroyable, super dynamique, vraiment un gameplay génial quoi. C'est du beat'em all, hein. Tu castagnes tout, mais c'est tellement fidèle que c'en est incroyable. Vraiment, vraiment, c'est bien. Alors, claque graphique aussi, j'arrêterai pas de les citer, hein, mais les Mario et Luigi, enfin le Mario et Luigi Superstar Saga en l'occurrence. Ah bah oui, ouais. Alors lui, donc justement les Mario Luigi. Alors lui, il est visuellement incroyable et tant en termes de sprite et tout que d'animation. Les personnages sont d'une expressivité, mais c'est dingue sur une GBA quoi. T'as des personnages où tu comprends tout de suite ce qui se passe et je tiens à préciser que Mario Luigi ne parle pas jamais. Et pourtant. Juste avec leurs expressions, avec leurs déplacements sur l'écran, tu comprends exactement ce qu'ils sont en train de te dire et tu comprends exactement la signification de la scène. Il y a d'autres personnages à côté qui parlent par contre, mais c'est incroyable. Ils ont poussé le curseur encore plus loin sur DS, mais bon, t'es sur DS. Mais Superstar Saga, c'est un jeu incroyable. J'ai une petite dédicace à Romain hein, qui nous a quittés. satisfaire sa chair et tendre, hein, sans doute, j'en sais rien, mais voilà. C'est un de ses jeux préférés, donc, mais il a raison, enfin, je trouve qu'il a raison parce que c'est un jeu incroyable. Et c'est une série de jeux incroyables. Qui a connu un remake sur DS, où sur le coup, ils ont totalement changé la patte graphique, donc si vous voulez jouer à la version. Voilà. On dira rien. Donc sur le coup le remake est de très très bonne facture mais on perd le côté si particulier graphique de la version GBA qui est extrêmement agréable. On perd ça mais par contre on gagne aussi le côté presque peinture à la main et tout. En fait les deux ont un style, les deux que ce soit la version GBA ou la version 3DS récente ont un style graphique extrêmement fort en fait et il y en a y a aucun des deux qui est mieux que l'autre, ils sont tous les deux très bien en fait. C'est bah, c'est bien, c'est l'effet école des fans, tout le monde a gagné. Bah là pour le coup ouais, après il y en a qui peuvent préférer un ou l'autre hein, c'est pas le problème, mais les deux sont tous très bien. Qu'il faut pas oublier aussi que c'est sur GBA que sont apparus les Saturni hein. Voilà. Ah, putain, la GBA il y a eu tellement de trucs. Ah oui. Il y a quelques séries où ils sont apparus sur, donc comme tu dis, la Saturn, bien avant de sortir sur DS et bien avant de redéterrer, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, la version française sur Switch le 22 là, qui arrive. Hein. L'attente n'aura pas été vaine. Donc oui, les trois premiers épisodes sont sortis sur Game Boy Advance au Japon, dans un premier temps. Et autre série qui a démarré au Japon, c'est les Rhythm Tengoku, qu'on connaît sous le nom de Rhythm Paradise chez nous. Ces espèces de jeux de rythme des enfers. Je pèse mes mots. Mon Dieu, ce jeu me rend dingue. Mais vraiment. Et il y a. Alors, je voulais parler voilà, de notre jeu. Enfin, Monsieur Chou, tu l'as évoqué tout à l'heure. Aussi sur Game Boy Advance, qui a connu. Qui a eu un seul épisode sorti chez nous et qui n'a pas connu grande suite de toute façon, et que tu as cité, c'est le fameux Kuru Kuru Kururin. Ouais. Ah oui. Le principe de Kuru Kuru Kururin, en un mot, c'est pas compliqué, c'est un jeu d'adresse avec une barre qui fait que pivoter en permanence sur son axe principal. Et il faut, avec cette contrainte-là, la faire passer dans des endroits particulièrement exigus. Le jeu a connu deux suites, une suite sur Game Boy Advance et une suite sur GameCube qui sont exclusives au Japon. Et donc, en Europe, on ne sait pas trop pourquoi, on a eu droit au premier épisode. Et merci de nous avoir offert le premier épisode qui est absolument fantastique. Ouais. Alors après, il y a peut-être un élément de réponse. Quand on regarde la liste des jeux Game Boy Advance qui ont dépassé la barre du million d'exemplaires vendus, bien que c'est un des jeux du lancement, il n'y figure absolument pas. Il n'y a que, entre guillemets, que 39 jeux qui ont dépassé la barre du million d'exemplaires. Il y a des choses dedans. Alors, c'est particulièrement rigolo. Les trois premiers, on a Pokémon Ruby Saphir en 1, Fire Red, Leaf Green, en 3, Emerald. Donc déjà, c'est les trois premiers jeux. Bon, c'est un peu un scandale, ça, mais... Juste pour donner une idée, en 4, on a quoi? Je vous laisse deviner. Je tape sur du Mario Kart, moi, non? Voilà. Ouais. En 5, 6 et 7, qu'est-ce qu'on a? Là, par contre... Les autres Mario, non? Voilà, les Mario Advance. À tous les Mario. Alors attends, c'est rigolo. 8 et 9, par contre, là, c'est des trucs que j'ai pas vu venir. On a Namco Museum et Pac-Man Collection. je promets que c'est vrai. Hein. Je vais vous donner le lien dans le chat. Voilà, comme ça, au moins, vous pourrez vérifier. En 10, on a Super Mario Advance 3. Voilà, donc c'est rigolo. Hein. Les 4 Super Mario Advance sont dans les 10 premiers. Non, et en fait, c'est, on a... C'est propre à Nintendo d'avoir toujours... Alors, c'est marrant parce que vous regardez la liste, elle est assez impressionnante. Il n'y a quasiment que du Nintendo, en fait, dans les jeux qui ont dépassé 1 million d'exemplaires, à part un Finding Nemo. Qu'est-ce que ça vient foutre, là? C'est sans rire, hein, le monde de Nemo, le jeu vidéo. Voilà. En plus, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? J'ai vu tout à l'heure, j'ai regardé la liste, j'ai mon cerveau qui a fait des bulles. On a un jeu Frogger Adventure Temple of Frog que je connais absolument pas et que je vais essayer parce que ça me dit absolument rien. Et voilà, on a un jeu Harry Potter, voilà, enfin c'est... Regardez la liste, vous verrez, c'est assez étonnant. T'as pas Taxi 3 pendant qu'on y est? On a effectivement le Dragon Ball Z de Legend of Goku. Est-ce que c'est celui-là, ton jeu, Pell? Je crois pas, non. Il parlait de Dragon Ball, lui, pas de Dragon Ball Z. L'héritage de Goku. Ah non, l'héritage de Goku, là c'est Dragon Ball Z, d'accord, ouais, donc c'est pas le même. Donc ouais, on a des... C'est assez intéressant, en fait, parfois, de regarder, en fait, les jeux qui sont le plus vendus sur une machine. Parce que des fois, on a des trucs un peu... Autre incongruité de Kurokurin, il n'est jamais sorti aux États-Unis. Effectivement, dans le line-up, en fait, de sortie de la GBA, il n'est pas dedans. Ce qui est d'autant plus bizarre qu'il atterrit en Europe. Tout simplement, c'est vraiment le... Ah oui, non, mais c'est le truc totalement inconcevable, mais qui effectivement... Essayez-le, c'est un jeu qui coûte rien aujourd'hui, et qui est fantastique. Pour revenir vite fait sur les Pokémon, c'est une génération qui a apporté énormément au système de jeu. Ah, est-ce que tu veux faire une parenthèse Pokémon, toi qui es notre spécialiste Pokémon attitré? Oui, enfin, vite fait, hein, mais c'est... Donc, ça a apporté des combats duo... Ça a apporté une séparation entre attaque spéciale et attaque physique, c'est-à-dire qu'avant, tu avais des attaques plantes, c'était toutes des attaques spéciales. Maintenant, tu avais des attaques plantes de type physique, des attaques plantes de type spécial. Enfin, ça a apporté plein de séparations, donc en termes de jeu pur et de jeu aussi compétitif, ça a vraiment complexifié, ouais, approfondi en tout cas le gameplay de manière assez appréciable en fait. Et il y avait l'histoire de... Il y avait une énigme qui, au début, je ne comprenais pas du tout, une énigme carrément qui était en braille dans le jeu à un moment. Enfin, voilà. C'était aussi... Ça, c'est pas mal, ça. Et ouais. C'était aussi le début de... Enfin, là où ça a commencé à te dire « Hey, va au magasin XXX pour aller chercher ce Pokémon exclusif. » Ah, ils ont commencé avec les trucs spéciaux. Ouais, distribution de Deoxys. Alors avant, il y a eu Bijou avec les McDo... pour les toutes premières versions, mais c'était vraiment te donner une cartouche, tu vois, donc c'était vraiment, t'en avais un par McDo qui gagnait peut-être, qui avait une cartouche avec nous dedans. Là, c'était vraiment des distributions en mode tu branchais ta console et t'allais chercher. Enfin, ça a apporté énormément au jeu. Et bon, le fait qu'il ait 3 d'un coup comme ça, top 3, ouais, c'est ouf, quoi. Enfin, ça montre bien que Pokémon, c'est un rouleau compresseur, quoi. C'était déjà pas loin par rapport à la création de la série, et déjà on a eu les premiers remakes. Ouais, Rouge Feu et Vert Feuille. Ouais. Et donc des remakes qui apportaient beaucoup de choses? Ou bonne question. Bah ça prenait en fait tout, ça rendait comment dire, toutes les améliorations qui étaient venues dans Ruby et Sapphire étaient du coup apportées dans ces remakes. Oui. Ça avait une refonte graphique. Bon, Pokémon ça a jamais été graphiquement oui. de ouf. Hein. Ça rajoutait quelques îles. Enfin, t'avais des petites un petit scénario annexe si je mes souvenirs sont bons. Un truc de ouf, hein. Mais ça permettait surtout par la suite de récupérer donc les Pokémon des premières versions et de les transférer vers Ruby Sapphire. Enfin, il y a tout ce système d'échange aussi dans Pokémon, hein, qui était à prendre en compte. Donc voilà, bon, cela dit, de me dire, je pense qu'ils avaient mis tous les Pokémon aussi dans Ruby et Sapphire. Là, je parle en souvenir, là, donc je sais plus. Passe, mais. Le remake était bon en fait. C'était les avec ces remakes là qu'il y avait eu le câble Link sans fil. Je sais pas si vous souvenez oui. de ce truc. C'était juste pour cela qu'ils les avaient inventés en fait. Ça, ils avaient sorti une version infrarouge, c'est ça? Ah, je sais pas si c'était infrarouge ou onde radio. Infrarouge ou onde radio, je sais plus. Mais ouais, c'était un Link mais sans fil. Oui. Ouais. Mais je crois que ça marchait que pour Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. Ok, je me souviens pas de ça. D'accord, ok. Ça me fait penser aux originalités des jeux comme Boktai aussi. Ah ouais. Ça, Boktai, c'était quand même vraiment particulier. Quoi. Qui c'est qui est la fille Boktai? C'est Papi Kojima. Ouais, mais voilà, c'était un jeu où en fait on chassait des vampires, hein, un jeu japonais, et on rechargeait l'énergie du personnage avec de l'énergie solaire, mais pour de vrai. La vraie énergie solaire, hein, je crois que c'était dans, ça. En fait. Dans l'absolu, c'était super cool, hein, mais oui, à jouer... La cartouche avait un capteur intégré qui permettait de voir l'intensité lumineuse et c'est de ça. Réfléchir le jeu en fonction. Ce qui fait que maintenant, le jeu a trouvé. Si vous le trouvez, préparez-vous à le payer un peu cher. Oui, ouais, a... mais bon, c'était une idée voilà, qui a mérité. Oh, mais c'est magnifique. Ouais, hein. C'est, ouais. Ça reste magnifique. Et alors, le truc, c'est que est-ce que Boktai 2 reprend... Je crois que Boktai 2 avait abandonné le principe du capteur. Ou... Je sais pas. C'est des jeux que je... Je les ai jamais vus nulle part en magasin. Ah non, si. Non, je suis le... Moi, c'est le 2 que j'ai jamais. Le premier, je l'ai complet. Le 2, je ne l'ai jamais vu. Bah, le moi, j'ai jamais en version vu. Pâle. C'est... Je ne sais pas. Je ne... En fait, si, il y a effectivement. Chou l'a mis sur le chat, mais il y a plein de jeux qui disent le Link sans fil. Je l'ai pas vu. Et donc, c'est quoi la technologie? Bonne question. Ah. Aucune idée. Ah bah attends, on va regarder un c'est peu. Pas, c'est pas infrarouge. Hein. Fallait pas se mettre face à face. C'est pas vraiment en fait la page Wikipédia, c'est assez étonnant. Fallait pas se mettre face à face. Je pense que c'est vraiment des ondes radio. J'essaie de regarder quand même si j'ai pas l'info. Donc Boktai 2 est pas trop cher en version européenne. C'est en version US qui coûte très cher. Ah, quand tu dis pas trop cher en version européenne. Ça veut dire on peut en trouver entre 50 et 100 euros. Mmh, ouais. Complet. Mmh. Bon, je vais faire une petite minute collectionneur. Savoir si vous avez de la chance, si vous êtes riche et si vous avez un jeu dans votre collection qui vaut une blinde, vous allez fouiller vos petites cartouches et si vous trouvez un jeu développé par Hudson Soft et publié par Konami qui s'appelle Ninja Cop. Ouais, pas Ninja Golf. Et ben voilà. Bravo, vous avez gagné. Celui qui a ça, il est riche, c'est ça l'idée. Si c'est un original, et si c'est bien, la version américaine s'appelle Ninja 5O, la version pâle s'appelle Ninja Cop. Et voilà. Je dis que ça. En plus, c'est un jeu cool. Le jeu est bien. Rien. Il a même été runé à une GDQ, d'ailleurs, au passage. Ouais. Et c'est un jeu qui est sympa, et c'est un jeu qui coûte cher. Voilà, c'est... Ah ouais, c'est bon. Alors la jaquette elle fait pas vilaine non plus quoi. Mais ça fait pas jeu, enfin ça paye pas de mine quoi. C'est ça, en fait c'est, il fait partie de ces jeux, tu le vois dans un rayon dans un magasin, ouais, tu ouais. Dis tiens c'est quoi c'est... Bon, ça a l'air quelconque quoi, mais... Et en fait le jeu alors, est sympa, par contre, bon, c'est pas le meilleur jeu du monde hein, mais ouais, attention, celui-là a un nombre impressionnant, devinez quoi, de De faux. Voilà. Sachant qu'en gros, un NinjaCop complet aujourd'hui, si vous le payez moins de 400 euros, c'est pas vrai. Hein. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, en loose, on peut le trouver à 200, 250, des fois, c'est du... Puisqu'on en a parlé de ça, même certains jeux très communs comme les Pokémon, il y a un nombre incalculable de contrefaçons qui tournent. C'est hallucinant. Pokémon Emerald, je crois. C'est un des jeux les plus contrefaits du monde, je crois. Enfin, peut-être pas, j'abuse. Mais alors, énormément de contrefaçons. Effectivement, et comme l'a vécu avec tristesse notre ami Katie, les jeux Game Boy Advance peuvent réserver de très mauvaises surprises. Ouais. Ah, oui. Et au-delà de ça, des fois même sans que les gens sachent qu'ils vous vendent des contrefaçons, c'est les gens qui sont convaincus qu'ils avaient bien des originaux, hein. Donc, il y a plusieurs niveaux de qualité de contrefaçon. Il y a plusieurs façons de voir si oui ou non c'est un original ou pas. Mais il y a des copies qui sont quand même de très très très bonnes factures et qui nécessitent d'être ouvertes. Et c'est ça le problème. Notamment les copies de Ruby, Saphir, Emerald, qui, à part l'ouvrir et le mettre côte à côte avec une cartouche que tu sais legit. Voilà. Sinon, par contre, les copies les plus grossières sont pour Rouge Feu et Vert Feuille. Où j'en ai vu des dégueulasses. Le problème et l'avantage en même temps de Rouge-Feu et Vert-Feuille, c'est leur le plastique. Il est translucide normalement. Ce plastique translucide qui est très difficile à reproduire manifestement, au moins à l'identique. Ouais, mais je pensais quand même, c'est pas des jeux qui sont quand même très rares. C'est bizarre de les retrouver des contrefaçons pour ce type de jeu. Quand tu vois Ruby Saphir, à vendre. Ouais. Quand tu vois Ruby Saphir, ça s'est écoulé à 16 220 000 exemplaires. Ouais, voilà. Tu rajoutes à ça les 7 millions de Pokémon Emerald, voilà, t'en es à 21 millions. Après, Vous rajoutez pour les contrefaçons tout ce qui peut ressembler à RPG, en particulier, on va pas le redire, mais les Final Fantasy, les 3 FF, le 4, 5, 6. Et je crois qu'il y a les Golden Sun aussi qui tournent. Même les Golden Sun, oui, sont pas mal contrefaits, oui, c'est pour une play, quoi. Le Tactics et aussi, il y a eu Tactics aussi sur GBA. Je peux me tromper, je crois qu'il y a aussi du Pokémon Mystery, Donjon Mystère. Oui. Tout ce qui est facile à écouler est contrefait. Ouais. Pokémon, hein. Oui, je veux dire Pokémon de base. Hein, la contrefaçon de truc Pokémon, il y en a à tous les étages. Hein. Que ce soit les jeux, les produits dérivés, les cartes, enfin tout. Hein, Ouais, c'est particulier. Mais comme ça, au moins, on l'a mentionné. Hein, si vous achetez des trucs et que les deals vous paraissent trop bons, achetez un tournevis Tri-Wing 00, ouvrez vos cartouches et renseignez-vous. Comme quand vous achetez de la Super Nintendo aujourd'hui, il y en a qui font la tronche quand ils vous voient arriver avec ce genre d'outils, tant pis. Ouais, mais ils sont conciliants quand même. Ça dépend. Sur Super NES, je sais bien, ça dépend. Ouais, mais ouais. Sur Super NES et GBA, ça ne dégrade pas la cartouche de l'ouvrir. Hein. Donc, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Non plus d'ailleurs. Sur les cartouches, par exemple, de Mega Drive Jap. Là, oui, le gars peut faire la gueule parce que tu es obligé d'enlever l'étiquette pour avoir la c'est ça, fond. Et là, souvent la pliure au milieu, là, en haut. Là, ouais. Je comprends que le mec fasse un peu la gueule. Si. Ouais. Mais bon, sur Super NES et GBA, il n'y a aucune raison. Quoi. Sur DS, c'est la merde, par contre. Hein. Ah, pour ouvrir une cartouche DS, oui. Vous allez la casser si vous voulez. Donc. Il y a plein de contrefaçons DS. Voilà. Vous allez bien dormir ce soir. Est-ce que mes jeux, ils sont Est-ce vrais que quelqu'un avait envie de rajouter quelque chose, de parler d'un jeu en particulier ou de quelque chose en particulier avec... Un jeu Dark 6 sur GBA 2004, ouais. Qui déjà à l'époque tabassait. Super Sonic Warriors DBZ. Ah oui. Oui, c'est vrai. Qui est très bon. Ah tu es soin. Excusez-moi. Juste ça, voilà, c'est du Arc 6, c'est sur GBA. Aussi, je voulais juste mentionner un dernier petit jeu aussi, comme ça, qu'on a parlé des remakes, mais la Game Boy Advance a eu son Shining Force officiel, hein, quand même. Hein. Le premier Shining Force est ressorti sur Game Boy Advance, et lui, c'était pas un simple portage, c'était une refonte graphique. Hein. Et avec des petits ajouts, comme une collection de cartes et tout ça, pour vraiment forcer le joueur à tout fouiller partout. Alors moi qui étais déjà un grand fan de Shining Force, je m'étais jeté dessus. Et en fait, j'étais un peu déçu. Je trouvais que le rendu visuel était beaucoup... comme si les couleurs étaient rendues toutes pâles, en fait, bizarrement. Et ben, je préfère le jeu Mega Drive d'origine. D'accord. Mmh. Et, la série des Shining a continué aussi sous une autre forme, les Shining Soul. C'est vrai, les Shining Soul, ouais. Ouais, ouais, c'est pas très bien le premier. C'est pas fantastique, mais c'est pas non. Non, non. Mais de toute façon, on n'est plus dans le tactical RPG. Hein. C'est encore, c'est... Là, c'est... on est passé sur un autre Shining. Ouais. Du coup, Si, je voulais rapidement ajouter concernant là, on a parlé vite fait des éditions limitées des éditions limitées de GBA Micro. La GBA SP a connu des éditions limitées qui sont pas mal recherchées. En Europe, on a eu une Tribal. Ouais. On a eu la NES. La NES. Ouais. La Zelda dorée. Il n'y a pas Bob l'éponge, non? Bob l'éponge, on l'a pas eu en Europe, mais la Bob l'éponge existe effectivement. J'aurais aimé. Ah ouais, il y a une Bob l'éponge. Aux États-Unis. Oui, qui est qui vaut son pesant de cacahuète et qui est carré. Oui. Elle cartonne. Moi, honnêtement, je pense à un truc. Je vais essayer d'en trouver une un jour. Elle me fait triper. Ah mais elle est chouette. Elle est chouette. Moi, j'adore Bob l'éponge. Ah ouais, c'est excellent, Bob l'éponge. Je pense que. Et en fait, dedans, il y a le fameux écran AGS 101. Avec la Bob l'éponge. Sur la Bob l'éponge, d'accord. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est doublement recherchée, en fait. Voilà, ouais. Oh, elle est bien. Et je pense que l'édition limitée européenne la moins courante, c'est la Kingdom Hearts. Oui. Ah ouais. Ah oui, parce que... Elle est vraiment très jolie. On l'a pas dit, mais oui, il y a un Kingdom Hearts sur GBA, bien entendu. Oui, et le pire dans tout ça, c'est l'un des épisodes les plus importants de la saga. C'est quasiment mais celui. Oui. C'est celui où il y a tout qui part en couille. C'est celui qui met en place le 2 et tout ce qui découle c'est après. Donc en fait, au lieu de le sortir sur la PS2, ils se sont dit, on va le sortir sur GBA avec un système de jeux de cartes. Les gens vont rien comprendre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Oh la vache. Après, ils l'ont refait sur PS2 d'ailleurs. Oui. Il fallait bien. Bah après, ça reste un excellent jeu aussi. Oui, il est bien le jeu, mais oui, c'est putain ce choix de sortir sur GBA. Il... C'était la console la plus vendue. Oui. C'était pas encore la PS2 quand ils l'ont sorti, la console la plus vendue. Non, donc, bon, après, le jeu est très très bien. Hein. Voilà. Il y a eu. Ouais, de toute façon, Dark Link le dit bien. Hein. Il y a eu des milliers de jeux. Enfin, il y a eu plus d'un millier de jeux sur la GBA et il y en a eu des très bien et il y a eu des grosses merdes, hein, mais. Oui, on a eu le droit à toutes les adaptations de films médiocres, les taxis, les trucs. Oh, déjà oublié. Voilà, c'est ça. Et les dessins animés bas de gamme aussi, plein de machins. Les Winx Club, les machins, ouais, les. Enfin... Ça, ouais. Ah, moi et tout. On va dire qu'il y avait absolument tout. Tout à l'heure, on a commencé à parler des bouses. On a évoqué Crazy Frog Racer et puis voilà, tout. Tous ces jeux faits par les développeurs allemands, et voilà, il y a vraiment des jeux de chiasse. Hein. Ah, mais il y a des jeux dégueulasses, mais c'est contrebalancé par une tonne de jeux. Non, mais carrément. De toute façon, quelque part, les jeux de chiasse, c'est un peu la rançon de la gloire. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Toujours. Mais ça reste une super. Bah, on oui, a mais pour vous dire, quand on a décidé du sujet, tout le monde était heureux. Ah, ouais. Et on n'a pas parlé un truc pour jouer à la GBA que j'aime beaucoup aussi. Et le Game Boy Player. Ah oui, ouais. Alors moi j'ai GameCube. Ça. Ça va être l'instant Everdrive, je suppose, non? Non. Et il y avait un appareil qui se branchait sous votre GameCube. Ouais. Vous permettait de jouer à jeu GBA. En fait, c'était une GBA. En fait, vous branchiez le dispositif, il a une forme différente, mais c'était une GBA. Et donc vous pouviez jouer au jeu GBA, Game Boy Color et Game Boy classique sur la télé. Et c'était bien bien cool. Le seul inconvénient de cet appareil, c'est qu'il était son rendu pas fabuleux et son input lag dégueulasse. Et l'autre inconvénient en tant que collectionneur, coucou les collectionneurs, c'est que si vous avez une GameCube orange japonaise, il existe en orange, et si vous avez une Panasonic Q, il vous faut un modèle spécial Panasonic Q. Ouais. Oui, évidemment, ça serait plus simple. Et le dernier inconvénient par rapport au fait que si vous achetez donc ce GBA Player, parce que là, s'il n'y a pas le DVD avec, vous ne pouvez pas l'utiliser. Hein. Voilà. Alors, c'est pas vrai, mais oui, officiellement, non, mais, c'est vrai. Oui, non, mais officiellement, il faut le DVD avec. Non, parce que combien de gens ont acheté le socle sans le DVD ? C'est ça. Ouais. Et dommage. En fait, en vrai, il y a un truc pour utiliser une version, on va dire, pirate d'un logiciel qui permet de l'utiliser quand même. Ça vous coûtera pas plus de 30 balles de matos. Et en plus, le rendu est bien meilleur que le DVD original. Donc, voilà. Bon, moi, c'est ce que j'utilise personnellement. Même si ça vous fait toujours jouer à des jeux 2D avec la manette GameCube. Ou ça, avec la Game Boy Advance, si vous avez le câble. Ah oui, c'est vrai. Oula, oui, ça devient la Game Boy Exception. Oui. Ou avec la manette Ori. Merci. Qui est une super manette pour jouer à la Game Boy Advance, mais qui coûte 100 balles. Enfin, je sais plus. Bref, voilà. Vous avez peut-être pas envie de l'acheter, mais sachez, ouais, j'avais fait un guide sur le site du collectionneur. Vous avez le lien du site hein, tout en bas à droite là, du layout pour utiliser justement ce Game Boy Player sans le CD d'origine hein, et comment faire. Voilà. Et ça marche super bien. Et... Tout le monde est content. Mais ouais, la GBA, enfin. Seul avec une bibliothèque infinie. Avec des jeux fantastiques, quoi. Enfin... Tous à notre façon, on a des souvenirs dessus. Ah oui. Même si, voilà, moi je fais un petit coucou au site GBA Temp. Ah bah oui. Sur lesquels on allait trouver les infos des dumps à l'époque. Quand dès que c'était disponible. Arrête. Mais c'est vrai. Non mais je voilà. Mais je jouais aux jeux, notamment les Crash Bandicoot qu'ils ont sortis. Je les ai terminés. On est mieux sur. Ah, ils étaient bien en plus ceux-là aussi. Hein. Vraiment, c'était des... hein les Crash de la Game Boy. Ouais. Donc voilà. Je pense que c'est 23h30. En quoi voir. Oui. Eh oui. Oh mais mince, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Ouais, hein. Et comme ça devient une habitude maintenant. Hein. Maintenant, comme Pell, il a été viré deux fois, c'est à lui de présenter un jeu. Allez, t'as 5 secondes. Ah. Ah, vous voulez dire par là que c'est à moi maintenant, c'est ça? Il paraît. Soit tu fais, soit la prochaine fois, hein, ça dépend de... Et donc à la surprise générale, je vais parler d'un jeu. Alors j'ai longtemps hésité, j'ai failli parler d'un jeu sorti sur d'autres consoles que des consoles Sega, mais au final, non, pour l'avoir réévoqué cette semaine et voir que tout le monde ne le connaissait pas, je veux parler d'un jeu qui est pas assez connu à mon goût, mais c'est normal qu'il soit pas assez connu, c'est de sa faute. C'est la faute au jeu. Ah, je sais de quoi il va. Oh, je sais de quoi il parle. Ah bon? Ouais. Donc nous sommes sur la Mega Drive. Ah. Au Japon exclusivement. Et c'est un jeu Sega. C'est un jeu 100% Sega, fait par Sega, en interne de Sega, pour Sega. Oh, j'ai une idée aussi. C'est un jeu qui s'inscrit dans la lignée, entre guillemets, de ce que fera Sega sur d'autres consoles plus tard, que ce soit du Sega Tassenshiro ou du Sega Gaga sur la Dreamcast. J'allais dire le Sega Gaga, mais oui, je vois ce que c'est. Rent-A-Hero. Et en effet, vous avez deviné, j'avais envie de parler du jeu Rent-A-Hero, sorti exclusivement au Japon sur Mega Drive. Alors Rent-A-Hero, qu'est-ce que c'est? Alors si vous me demandez ce que c'est comme style de jeu, alors ça va être vachement compliqué. Parce que c'est pas vraiment un RPG, mais il y aura beaucoup de dialogues. C'est pas vraiment un beat'em all, mais vous allez devoir frapper sur des gens. C'est un espèce d'hybride qui est là pour parodier les Super Sentai, parodier le Japon moderne et sa vision de l'économie, parodier même la propre société Sega. Et qui en même temps donne une espèce de gloubi boulga particulièrement bavard. Donc le plot, on va le résumer très simplement. Vous êtes chez vous pendant qu'il y a une grande fête. Votre père vous demande de commander de la bouffe. N'importe quoi, parce que les invités se plaignent et qu'il y en manque. Prenez votre téléphone et vous appelez une société qui s'appelle Sensational Cafeteria. CK. et quelques temps après, on vous livre avec votre bouffe un costume de super-héros. La classe. Vous dites ouais, ça a l'air marrant. Et alors, vous ne savez pour quelle raison votre père a décidé de se déguiser pour amuser les invités en kaiju. Kaiju, une espèce de grand dinosaure en japonais. Là. Oui, oui, oui. Et donc, sur le coup, vous vous enfilez la combinaison pour faire style. Ah, je vais me battre contre lui. Vous lui mettez une pichenette et il part voler au travers de la fenêtre. Et vous vous rendez compte que le costume de super-héros vous transforme vraiment en super-héros. Et donc, sur le coup, la société CK vous propose de venir un super-héros à louer. Rent-a-hero, comme l'indique le titre. Et le jeu va consister en une série de missions de plus en plus loufoques, absurdes, stupides, avec basiquement de la quête FedEx, des phases en beat'em up parfois particulièrement agaçantes, et tout ça matiné de énormément d'autodérision et de sous-entendus, de blagues, de rapports à des personnages Sega, d'autres jeux Sega, etc. Ce que fera Sega dans quelques années plus tard, comme je dis, avec Sega Gaga en particulier sur la Dreamcast. Le jeu est très peu connu, déjà d'une part, parce que la version Mega Drive a attendu très tard pour avoir ne serait-ce qu'une fantrad. La fantrad est disponible depuis seulement 2015. Vous dites, waouh, c'est quand même pas loin 2015. Ben non. Voilà. Et donc tout ça pour dire que, hop, copiez l'adresse du lien, je vous mets le coller. Pouf, le lien vers la fantrad directement. Ça fonctionne très bien. Le jeu est 100% traduit. Donc je vous conseille vraiment voilà, alors c'est encore une fois pas pour ses qualités ludiques, c'est-à-dire que en vrai c'est pas un jeu qui est exceptionnel. Moi je vois ce que tu veux dire, c'est tu joues plus pour voilà, pour découvrir une espèce de curiosité des années 90 qui est pas le jeu est pas mal comparé par exemple à un jeu que tu connais, Pell, qui est Sword of Vermillion. Ah oui, d'accord. Qui donne l'impression au départ d'être quelque chose et qui final n'est pas vraiment ce qu'on attendait de lui. Ouais. Et mais il a été conçu par les mêmes équipes, donc c'est vraiment. Ah oui, mais c'est Yu Suzuki alors. Oui. C'est les équipes de Sega en interne, donc c'est vraiment c'est un jeu qui a été fait par. Parce que c'est Yu Suzuki le producteur de Sword of Vermillion. Donc d'accord, ok. Et donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là, et on va la rallonger un tout petit peu. On ne sait comment, Sega décide, donc à l'époque de sa Dreamcast, de faire un remake en 3D du jeu sur Dreamcast. Ils gardent le scénario de base, mais ils veulent faire un rendu 3D. Admettons. Le jeu, évidemment, encore une fois, ne sort qu'au Japon, sans même que Sega n'évoque une seule seconde le fait de traduire la tonne de texte déjà qui, rien que traduit littéralement, demande de connaître pas mal de codes et de sous-entendus de la société japonaise pour arriver à être absorbé, on va dire, par un public occidental. Et les choses auraient pu s'arrêter là, on aurait pu dire, voilà, le jeu est sorti sur Dreamcast au Japon, point final. Sauf que le jeu a failli sortir aux États-Unis. Et pas sur Dreamcast, mais sur Xbox. Donc on se souvient qu'au début de la Xbox, Sega fait partie donc, des sociétés qui portent des jeux sur la console et qui en créent de nouveaux. Et un peu comme Shenmue 2, Rent-a-Hero était prévu pour sortir aux États-Unis sur Xbox, entièrement traduit. Et il se trouve que le temps a passé et que, plusieurs années plus tard, est apparu ceci, que je vous mets sur le chat. Pouf ! Un prototype de Sega Gaga en version américaine sur Xbox, quasi finalisé, 100% jouable du début à la fin, officiel. La version qui était prête à sortir a failli finir par leaker. Ah oui, c'est gaga. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'avoir de pouvoir lancer des jeux copiés sur une Xbox, ce qui n'est pas extrêmement compliqué, vous pouvez jouer à ce Rent-A-Hero qui s'appelle Rent-A-Hero Number One. Graphiquement, si vous vous dites que c'est de la Xbox, c'est pas exceptionnel, mais si on se dit que c'est de la Dreamcast, on a un jeu qui est très beau dans le sens presque du niveau d'un Shenmue. C'est dire s'il y avait, enfin, il y avait du taf derrière. Ouais. Et on retrouve l'ambiance totalement loufoque du jeu original. Donc ce soir, c'est ça qui est terrible, c'est que je parle d'un jeu qui n'a même pas été officiellement disponible nulle part ou que ce soit. Mais pourtant, voilà, vous pouvez télécharger et essayer ce Rent-A-Hero sur Xbox. Est-ce qu'il n'est pas sur la Mega Drive Mini Jap ? Et Rent-A-Hero, dans les futures apparitions, donc apparaît sur la Mega Drive Mini japonaise. Évidemment. Ah ouais, j'avais oublié ça. Et le héros du jeu apparaît dans un autre jeu. Il apparaît en tant que personnage secret dans Fighter Megamix sur Saturn. Putain. Jeu de combat, hein, Time 2, que j'aime beaucoup. Mmh. Donc, voilà, c'est une licence qui est un peu oubliée aujourd'hui. Enfin, oui. Voilà, c'est... Mais elle a connu de beaux jours. C'était, voilà, c'est vraiment une grosse curiosité. Et on parlait de Sega Gaga. C'est vrai que Sega Gaga fait partie de ces jeux qui n'ont jamais connu, même pas de traduction, même pas officieuse, où le travail a l'air très très compliqué là-dessus. Oui, voilà. Et puis, c'est comme tu disais, Rent-A-Hero faisait vraiment des références à la culture japonaise. Oui. Sega Gaga, ça allait encore plus loin, parce que là, c'était des références japonaises, et en plus, extrêmement centré sur les licences Sega en général. Quoi. Là, c'est vraiment, C'était le jeu de la dernière chose. C'était le dernier jeu qui sortait. C'était le dernier jeu. Là aussi, c'était pas la dernière chance, ils savaient que c'était déjà fini. Oui. Hein. C'était vraiment ça, se dire, on se fait plaisir. Jeu, ouais. Voilà. Là aussi, dans Rent-A-Hero, vous croiserez des noms de personnages qui vous évoqueront évidemment d'autres jeux Sega. Parce que c'est... Ouais, c'est ça. Dans Sega Gaga, on voit carrément les ennemis de Golden Axe, les Alex Kidd et tout. Il y a tout le monde là-dedans. Voilà. Donc, sur le coup. Merci à toi. Encore un jeu Sega. Bah ouais, merci. C'est terrible, hein. Non, on va finir. Mais alors, et juste par curiosité, tu l'as toi, Rent-A-Hero ? Je l'ai sur version japonaise. Je l'ai, oui. Ah ouais ! Et voilà, c'est un jeu. J'avais. Toujours je l'ai, je sais même pas comment il a. À quelle occasion j'ai croisé Rent-A-Hero ? Je me souviens même plus. J'ai dû l'acheter en boutique quelque part, mais. Je sais pas comment je suis tombé dessus et j'ai dit oui tout de suite, je le prends. Voilà, Je l'ai jamais vu en vente nulle part. Hein. C'est pas un jeu qui coûte extrêmement cher en version Jap. Ouais. Je crois pas. Mais bon, voilà, la version Xbox, vous pouvez pas l'acheter, donc cherchez pas. Mais c'est un jeu pour fanboy Sega obligatoire hein, quand même. Mm-hmm. Je trouve. Ouais, c'est pas excessif en pognon sur Mega Drive Rent-A-Hero, j'en vois aux alentours de 40 euros. Hein. Ouais, une quarantaine, et encore moins pour la version Dreamcast. Ouais, version Dreamcast, ouais, c'est quoi je l'ai vu. Ouais, 13 euros. Ouais, c'est vraiment. Ah oui, c'est des petits prix. Mais le problème, c'est que ça fait partie de ces jeux qui sont inaccessibles en japonais. Bah oui. Si vous connaissez pas le Sioux, c'est pour. Donc on a une vraie traduction officielle Xbox qui était prête à sortir. Autant en profiter. Si vous avez votre petite Xbox soft modée qui traîne par là. C'était le podcast du Tibia qui est aujourd'hui. Mais ce proto... Ouais, j'avoue. J'ai même pas parlé une seule fois, moi, de... Non. D'Everdrive, effectivement. Pas du tout. C'est juste pour le faire, en fait. Mais ce prototype, là, sur Xbox... Il est quand même job de bout en bout ou... Oui, ouais. Il était prêt à sortir. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Vraiment, il est jouable à 100%. Ouais. Il est terminé, le jeu est terminé. J'avais raté Voilà. cette info, ouais. Et je confirme, parce que ça fait longtemps que ça fait partie. C'est lorsque j'ai acquis, il y a dans le passé, mes Xbox piratées, c'est un des premiers jeux que j'ai téléchargé à l'époque. Dès qu'il était dispo, j'ai dit, oh, au secours, je veux jouer à ça. Voilà. Bah, merci à toi, Billon. Ça fait toujours plaisir d'entendre parler d'un jeu méconnu et en plus un jeu Sega. Ouais. Parce qu'on parle jamais assez de Sega. Je te remercie. C'est égal. Surtout dans ce podcast. Ouais. Bah, on est des pros J'ai l'impression Nintendo, qu'on nous. parle plus de ça. Totalement des pros Nintendo. Donc, sur le coup, alors on va vous souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit les enfants, merci à ceux qui étaient dans le chat. Bah Merci oui. à ceux qui nous écouteront sur YouTube. Des C'est bisous. ça. Et bonne nuit à Pixel qui arrive donc pile pour la fin. Et Caps aussi. Hein. Et un podcast Oh, qui, bien sûr, j'ai déjà pris un petit moment. d'épisode en épisode, dure en longueur. Donc j'annonce que le prochain fera 6 heures et Une bonne sera en 58 parties sur YouTube. Ouais, bah on... J'ai même pas vu le temps passer pour dire, j'ai pas vu que Pas j'ai moi non regardé. plus. Tranquille et tout, C'est quand j'ai c'était. regardé il y a 10 l'heure, il y a un quart d'heure, je me dis, il y a déjà cette heure-là en On a fait. des parties news qui durent de plus en plus longtemps. Oui, Ah, j'ai jamais mais eu quelque autant de part, trucs rétro qui sortaient. mais ce que j'allais Ouais. dire, je pense pas que ce soit notre faute en fait. Je Bah pense bon que c'est non. la faute en fait aux gens À qui. la vie. Oui, c'est la faute à la vie. Merci Ped, Arrêtez de voilà. faire des trucs, les gens. Donc sur le coup, bonne nuit. Merci à tout le monde. Merci à ceux Merci à tout le qui monde. nous. Bonsoir, Bonsoir Bigorneau. Bigordo. Bonsoir, bonsoir Bigorneau, merci d'être passé et à Merci la de nous prochaine. accueillir. Voilà. Et voilà. Nous reviendrons pour Dans un autre 15 jours. sujet. Voilà. À bientôt. Des bisous. Ciao. Ciao.